Parlez au Seigneur, continuez à lui parler. Dans Romains chapitre 6, il dit, ne livrez pas vos membres comme des instruments d'iniquité. On doit les offrir pour le service du Seigneur. Présentez votre corps, depuis vos yeux jusqu'à vos mains, entre les mains du Seigneur, que à partir de cette année, qu'il les utilise lui-même, que tu décides de ne plus livrer ton corps pour le péché. Livre tes membres, chaque membre de ton corps, entre les mains du Seigneur, pour que ça lui serve pour les, comme instrument de justice. Il a dit, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Vous faites cela, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes point sur la loi. Vous êtes en conformité avec Christ. Seigneur, nous te soumettons nos yeux. Te soumettons nos lèvres. Tu connais nos voies et tu sais que nous avons livré nos cœurs ça et là, dans la perversité. Nous avons livré nos membres comme des instruments d'iniquité. Mais tu as dit qu'on t'offre notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte qui est raisonnable. Avec ce peuple, Seigneur, dans cette maison et ceux de l'extérieur, Père, nous soumettons nos membres entre tes mains. Nous dénonçons toute œuvre d'injustice dans nos vies, dans nos membres, que nous avons fait dans le passé. Nous dénonçons toutes ces choses, ô Dieu de gloire, mauvaises, dont tu connais. Tu connais de loin nos pensées. Tu connais, ô Dieu de gloire, quand nous nous levons et quand nous nous couchons. Tu connais le profond et les profondeurs de notre cœur. Toutes les voies détournées que nous avons empruntées. Et tu sais toutes ces choses, Père de gloire. Mais tu veux, ô Dieu, que la vérité sorte du fond du cœur. Voilà pourquoi avec ce peuple, Père, nous venons, nous nous prosternons devant de toi pour demander pardon pour nos iniquités qui sont nombreuses. Car à qui d'autre, ô Dieu, pourrons-nous aller pour le pardon? Quel Dieu peut-il pardonner comme toi? Peut-il délivrer comme toi? Seigneur, c'est toi qui éloigne nos iniquités de nous. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pour cela que je présente, ô Dieu, le cœur de ce peuple aussi et notre cœur entre tes mains, afin que toi, tu extirpes de nos cœurs et de nos vies les iniquités. Car elles sont nombreuses et elles témoignent contre nous. Notre propre conscience témoigne contre nous-mêmes que nous avons des péchés au devant de toi. Daigne-nous sanctifier, Seigneur, et que ta miséricorde parle plus que la condamnation de l'ennemi. Daigne-nous pardonner, ô Dieu. Seigneur, nous vivons dans le mensonge, dans la cupidité, dans tout genre de dérèglement, dans la débauche et des choses semblables, Père de gloire, les choses, ô Dieu, dont tu as appelé comme les œuvres de la chair et tu as dit que quiconque commet de telles choses-là n'héritera point le royaume de Dieu. Or, nous sommes tes enfants et le troupeau de ton pâturage. Nous venons au-devant de toi, Père de gloire, nous repentir dans cette prière maintenant, car tu as dit, les autres se repentirent dans la prière, ils étaient exaucés. Tu as dit, si ton peuple, ce qui invoquait mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, du haut des cieux, tu vas les exaucer. Ô Père, du haut des cieux, exauce-nous. Exauce-nous. Exauce tes enfants. Que l'engagement que nous prenons au-devant de toi, Père de gloire, que tu nous donnes la force de tenir. Donne-nous de vivre dans cette ô Dieu de gloire, ces milieux pourris, ces milieux pervers, sans tache ni ride, dans l'attente de la manifestation de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous de vivre irréprochable, Père de gloire, dans nos actions, dans nos paroles, que l'amour soit sans hypocrisie dans nos cœurs. Donne-nous de vivre sans tache ni ride dans ton attente. Donne à mes frères et à mes sœurs que le renouvellement que tu accordes aujourd'hui, Père de gloire, soit permanent dans leur vie. Donne-nous de marcher dans la voie droite que tu as tracée pour chacun de nous. Père de gloire, dénonce nos œuvres à chaque fois que nous voulons fléchir dans le monde. Car tu as dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donne-nous d'avoir l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qui soit enraciné dans notre cœur. Que toute la gloire te revienne. Donne-nous de t'aimer, ô Dieu de gloire. Donne-nous de t'aimer au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Que nous fassions seulement et seulement ta volonté. Donne-nous chaque minute, Père de gloire, de chercher ta volonté et ce qui t'est agréable. Donne-nous de vivre d'après ses volontés. Donne-nous, mes frères, à mes soeurs, Père de gloire, de chercher continuellement et constamment ta face en toutes choses, pour tous les besoins, pour tous les projets, qui se reconnaissent à toi, mais qui ne se mettent pas, ô Dieu de gloire, dans leurs propres efforts. Toi seul, tu es le Dieu qui peut nous conduire. Tu es notre grand berger. C'est toi qui nous conduis. Nous nous soumettons à toi. Nous soumettons nos pensées entre tes mains, nos vies entre tes mains, nos cœurs entre tes mains, afin que tu nous prends dans les ailes, Père de gloire, du grand aigle, et tu nous conduis jusqu'à la maison. Et toute la gloire te revient. Seigneur, prends ceci, nos prières, comme des serments devant toi, pour nous conduire dans cette voie nouvelle que nous avons pris comme engagement pour marcher au devant de toi dans la sainteté. Accepte notre prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que tout le peuple de Dieu, dans la maison et à l'extérieur, dise Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Souvenez-vous de votre serment. Souvenez-vous. Vous asseyez, prenez, vous écrivez dans le cahier qu'en ce jour, vous avez fait serment devant Dieu de marcher droit devant lui. Écrivez. Écrivez. Que ça ne soit plus la terre qui s'écrive des choses contre vous. Que vous-même, on ait écrit des choses contre nous-mêmes. Dans des imprécations que nous allons respecter. Écrivez, écrivez vous-même. Écrivez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Écrivez contre vous. Écrivez ce que vous avez pris comme engagement devant Dieu. Gardez dans votre cahier, dans votre Bible. Écrivez. Notez. Aujourd'hui, j'ai pris l'engagement devant Dieu de marcher devant lui sans carnerie. Je vais m'y atteler à le faire. Que notre Père vous bénisse. Que notre Père vous bénisse. Dès que vous avez écrit, vous gardez les Bibles. On va prier. On va commencer maintenant. L'engagement que vous avez pris devant lui, c'est entre vous et lui. C'est votre cahier avec vous et lui. Prenez l'engagement maintenant. Vous ne quitterez plus cette voie droite que vous avez ouverte devant le Seigneur. Donc vous avez pris un bon départ. Quand vous avez pris la bonne route, ne quittez pas cette route. C'est la bonne route que vous avez choisie là maintenant, n'est-ce pas? Oui. La Bible déclare qu'il ne dédaigne pas un esprit abattu et un cœur contrit. D'accord? Donc ça veut dire que chaque fois quand le cœur est meurtri, contrit, parce qu'on cherche à venir vers lui, il est disponible pour le faire. Ok. Maintenant, si vous finissez, on va commencer. Cet engagement, pendant que vous en avez écrit comme ça, soit écrit sur votre cœur. Pour que n'importe quoi, n'importe quand vous allez faire n'importe quoi, que puisse le Saint-Esprit vous rappeler que voici la voie droite, marchez-y. Voici la voie droite, marchez-y. Restez près du Seigneur. Ne vous en éloignez pas. Souvenez-vous d'Hébreux chapitre 2, verset 1. Il dit que les choses qu'on a entendues là, qu'on veille à ne pas s'éloigner de là. Qu'on les garde. Sinon, ça va nous allons égarer loin de ces choses que nous avons entendues. D'accord, frères et sœurs? Chaque fois, vérifiez toujours que vous marchez dans cette alliance que vous avez dit. Vérifiez toujours que chaque action que vous posez est conforme là-bas. Demeurez donc sous sa grâce, sous sa miséricorde, sous sa puissance, qu'il veille sur vous. Si vous prenez le bon engagement en prenant la main qu'il vous a tendu, alors forcément, il va vous conduire à bon port. Il va vous conduire à bon port. Maintenant, on va commencer. Je vais vous expliquer quelque chose là. Là, vous m'entendez? De vous m'entendez, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer comment on va faire cette prière ici maintenant. Vous vous souvenez de Jérémie chapitre 22, n'est-ce pas? Amen. Qu'on a lu. On a deux ou trois volets à prier. Dans mon exemple de cette chèvre-là qu'on a attachée et dont le corps, la corde est bien au bout. Si pendant que la chèvre se bat, on vient par derrière, on coupe là où c'est attaché. La chef pourra peut-être la chef s'est battue longtemps. Elle est couchée, fatiguée, elle est couchée là-bas parce qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Et quand on vient couper là-bas, si on coupe, elle n'est pas consciente que la corde est coupée. Elle risquera de rester là-bas. J'ai vu une photo sur WhatsApp qui me rappelle ces choses pendant que j'en ai parlé. C'est l'image d'un cheval qui était quelque part qu'on a attaché sur une petite chaise. Comme le cheval sait qu'on l'a attaché forcément. Il regarde la corde, il voit que c'est une chaise en plastique où vous savez la force du cheval, c'est veut courir. Elle était là, le cheval était là comme ça, elle mangeait aussi comme ça. Ok, je suis attaché. Alors que la base là, on l'a attaché, n'était pas solide. Ça pouvait être coupé et parti. Mais elle était là consciente qu'on l'a attaché. Donc, même comme elle regarde, elle ne veut pas savoir si c'est difficile ou pas. Elle ne veut pas se battre pour sortir. Donc, les gens peuvent être comme ça. On veut couper même la corde. Il ne connaît pas. Il est toujours comme ça. Que moi, si je suis qui ici? Vous connaissez Gédéon, n'est-ce pas? Gédéon, nous sommes sous la malédiction. Et ce dernier froment s'étape comme ça pour le mettre à l'abri du Madian. Il dit, va toi, vaillant héros, va avec la force que tu as, pas qu'avec la force que je vais te donner, tu as. C'est une force là, j'ai ça, hein? Pourquoi dans ce cas, pourquoi on nous tape ici chaque jour? Mais il avait la force, mais ce n'était pas le moment. Oui, n'est-ce pas? Quand la malédiction est brisée, vous pouvez entrer dans la vie que Dieu vous a donnée. Quand le lien est coupé, la chaîne. Quand cette femme-ci, dans Luc chapitre 13, que nous avons lu tout à l'heure, quand elle a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'était terminé. Cet instant-là s'est levé. La Bible déclare, remarquez bien, elle glorifiait Dieu. Elle ne chantait plus les chansons des cantiques de sabbat, jamais. Elle glorifiait Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est libre maintenant. Libre pour le servir. Ce qu'elle ne pouvait pas faire, elle peut maintenant faire. Donc la limitation est terminée. Alors donc, voici donc l'orientation de la prière. Suivez très attentivement et méticuleusement. Ça veut dire que vous ne connaissez pas peut-être les styles de choses, les styles d'alliance dans lesquels vos parents sont entrés, dans lesquels vos ancêtres sont entrés, dont vous n'êtes pas conscient ou pas. Que vous en soyez conscient du thème et des terminologies de ces alliances, ce n'est pas ça qui est important. Il faut seulement que vous le détournez. Si possible, si vous êtes dans le moment, n'est-ce pas? Regardez. Vous avez quand même tourné à l'intérieur là. Tu as vu comment je me suis tourné à l'intérieur, frère? Vous voyez ça là? Là maintenant, je ne me trouve pas derrière. Là, pas derrière. Si je me trouve pas derrière maintenant, c'est pour ça que. Tu vois, c'est, je regarde bien. Tu vois, on peut prier maintenant pour quelqu'un ici derrière. Mais pourtant, je suis physiquement devant vous, mais je suis derrière maintenant. Alors, tournez-vous à l'intérieur, c'est-à-dire faites une rétrospection, si vous voulez comprendre. Une rétrospection dans votre famille. Quelles que soient les choses que vous avez participées de façon consciente. Demandez d'abord pardon pour cela. Parce que les autres alliances qu'on a faites, que vous n'étiez pas là, ça ne vous conseille pas. Ça vous conseille tout simplement parce qu'en étant un membre de la famille, sur cela maintenant, c'est la parole qui va y entrer. Donc, les choses sur lesquelles vous êtes allé de façon consciente, c'est-à-dire quand vous êtes trimballé, vous savez que ça, ce n'est pas bon. Et que maintenant, vous comprenez que ce n'est pas bon. Dénoncez cela. On va dénoncer tout système satanique qui est dans notre famille, qui puisse avoir d'influence dans votre propre vie. Vous allez dénoncer ça devant le Seigneur. Regardez, je vous explique doucement pour vous saisissez. Quand vous lisez le livre de Daniel, quand vous avez vu Daniel chapitre 9, quand il a commencé l'intercession, quand Daniel a commencé l'intercession pour son peuple, vous êtes avec moi, frère. Amen. Mais c'est pas croyable. Vous me regardez comme ça, comme personne qui parle mal. Quand vous lisez le livre de Daniel, les Juifs étaient en captivité à Babylone. Lorsque le moment d'intercession est venu pour son peuple, il n'a pas dit Seigneur, fais-nous sortir d'ici. Il est d'abord allé pour la confession de ce qu'ils ont fait qui est mauvaise, ce qui les a conduits dans cet état où ils se trouvent. Première chose, en reconnaissant que Dieu est juste et bon, il est juste au point où il a dû sanctionner comme la parole disait. Or, remarquez très attentivement, la période de Daniel, les gens qu'on a amenés là-bas, beaucoup sont morts. Beaucoup qu'on a amenés là-bas n'étaient même pas les auteurs même du péché. Parce qu'il y avait des enfants parmi, ils n'avaient rien fait. Quand on est venu amener quelqu'un, on a amené tout le monde. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il dit que moi qui suis devant toi, Seigneur, je ne suis pas mieux que mes pères. Nous avons désobéi à tes commandements que tu avais prescrits à tes saints prophètes, à Moïse, là, selon la loi de Moïse. Nous avons désobéi. Et tu n'as pas pardonné, tu nous as punis selon ce qui est écrit. Il dit que à nous la honte, à moi, les chefs, les sacrificateurs, les prophètes, la honte. Vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît que depuis ses parents jusqu'à lui, ils sont coupables. Vous avez vu ce qu'il en est, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire qu'il a dénoncé ce que les parents ont fait. Il dit, le comportement de notre parent n'était pas bon. Mais auprès de toi, la miséricorde. À cet instant, quand il prie là, Dieu n'est pas parlé vers les parents pour sauver. Jamais. C'est eux qui sont vivants. Qu'est-ce que Daniel est en train de faire? Daniel est en train d'enlever sur la génération future cette opprobre aussi. De telle enseigne que Dieu ne pourra plus jamais frapper ceux qui sont devant à cause des péchés des parents de Daniel. C'est ce qu'il a de les faire. Maintenant, quand ils vont rentrer dans le pays, c'est à cause de leurs péchés qu'ils vont faire maintenant que Dieu va encore les frapper. Pas pour vous, ils ne vont plus venir frapper dans ce pays parce qu'il a pardonné ceci. Vous avez compris maintenant, n'est-ce pas? Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va faire. On va prier pour toutes les iniquités que les parents ont fait qui vous touchent. Je parle des malédictions. Les péchés qu'ils ont fait là-bas, chacun va répondre devant le Seigneur. Je parle des alliances. Quand ils viennent prendre une idole, vous êtes. Oh, je suis dans une famille, mon père était un grand chef. Quand on tirait celui-là à la guerre, il ne mourait pas, il sautait. Et tu te vends de vrai. L'alliance qu'il a signée, quand il est mort là, le démon là est parti où? Il est parti où, frère? Il est là. Ok. Puis encore, si vous êtes né dans une famille que votre maman ou votre papa est marabout, c'est grave, très grave. Si vous êtes sujet d'alliance là, criez, jeûnez. Sinon, un jour, la vision va venir, vous allez croire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de venir, alors que c'est le magnifique qui est en train de se convertir en chrétien. Je vous le dis. Si vous êtes dans cette genre d'alliance, vous ferez mieux de prier. Quand vous allez vous lever, vous allez savoir de quoi il est question. Donc vous êtes petit. Votre maman dit que pi, comme si, l'enfant si. Il faut se mettre sur ta poitrine. Non, pas sur moi, frère. C'est un exemple. C'est un exemple. Quand vous êtes petit, dans cette alliance-là, quand il veut faire les trucs rouges comme mélange, c'est toi qu'on envoie, il va prendre les situations en l'air. Tu es un apprenti marabout. Tu es un apprenti marabout. Quand on, il y a des gens dans les familles, quand on apporte le coq pour les sacrifices, c'est lui qui part tuer. N'est-ce pas un formateur, c'est pas un sacrificateur de haut lieu ici. Après l'enfant dit, Seigneur, il te donne ma vie quand mon Seigneur est mon sauveur. Tout ce que tu as fait là, tu as fait ça comment? Donc quand tu as donné ta vie à Jésus, on dit, ok, comme tu as donné ta vie à Jésus, j'ai fui. C'est comme ça, hein. Pointe quelqu'un dit, tu dois chercher la délivrance. Voilà. Alors maintenant on peut prier, n'est-ce pas? Donc on a deux volets. On a le volet d'abord de cette pardon par rapport aux choses que certainement vous avez héritées. Donc Seigneur, toute influence négative due à l'idole ou bien à quelques péchés que ce soit de malédiction de la famille qui me suit, je te demande pardon pour les actions de mes pères. Je te demande pardon pour les actions de mes pères. Quand on va finir cela, on va dénoncer cela. Quand on va dénoncer, maintenant, toutes les chaînes, comme on a lu dans Luc chapitre 13, toutes les chaînes sur lesquelles, c'est ça qui va nous libérer. Vous allez voir que l'année prochaine, vous allez voir que les choses viennent naturellement. Naturellement. Comme cette femme-là, pour elle, c'est l'infimité. Quand elle sort maintenant, elle peut faire ce qu'elle ne pouvait pas faire. Parce que la chaîne a été coupée. Les choses sur lesquelles Satan vous avait limité, n'importe quoi, quand la chaîne sera brisée, vous allez sortir, vous allez voir que c'est différent. Amen. Vous cessez, n'est-ce pas? Mais au préalable, il faut que ça soit brisé. Alors, toute chaîne, souvenez-vous quand le Seigneur a dit que Satan l'a tenu lié avec cette chaîne-là, depuis, vous ne voyez pas la chaîne. Pour elle, c'est l'infimité. Regardez bien, si vous comprenez dans Luc chapitre 19, vous allez voir un autre, on l'appelle, Zachée, lui, il était un publicain. Remarquez très rapidement les publicains, leur style de vie. N'importe comment, il se tourne comme ça, il frappe seulement l'argent. N'est-ce pas, frère? Mais c'était un fils d'Abraham. Il était en captivité. La cupidité l'avait arrêté. La cupidité. Au point, il ne pouvait pas s'en débarrasser. Mais le Seigneur est venu ce jour-là, regardez, il n'a pas prêché. Donc, il a délivré sans là, avec sa présence. Délivré avec sa présence. Vous voyez, délivré avec sa présence. Donc, sa présence, ta présence. Délivré avec sa présence. Vous savez, n'est-ce pas? Alors, il s'est tenu là-bas. Il est resté tranquille. Sa présence est en train de prêcher. Sa présence. Et donc, il s'est tenu là. Le garçon s'est dit, Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, vous voyez la repentance, n'est-ce pas, frère? Le voile est ôté. Il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Il dit encore cette même phrase, parce que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Satan pervertit pas n'importe qui, le fils d'Abraham. Les gens qui sont dans la sorcellerie, Satan ne peut pas leur dire que non, je veux votre âme. Il lui appartient déjà. Ce qu'il veut, c'est qu'il fait faire tomber le fils et les filles de Dieu. Regardez autant de fils d'Abraham qu'il avait déjà vaincu. Et donc, Jésus vient, il peut les chercher, car le fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Donc, c'est à lui, Satan les a captivés. Maintenant, c'est ça qui va nous amener dans la deuxième alliance, dans la deuxième chose que nous allons prier. Tout ce qui est dans ta vie qui devient comme un fardeau, c'est pas le mot là-bas. Vous savez, quand vous voulez faire, vous ne voulez pas faire quelque chose, vous vous rendez compte que vous faites ces choses-là. C'est la preuve qu'il y a une chaîne qui vous tient avec ces choses-là. Il faut que ça soit coupé. Amen. Donc, même si ces achats-là étaient dans son lieu de service, quelqu'un vient dire que non, les 100 000 sacs, il prend ça. Il dit qu'il ne voulait pas, il dit que mais je fabrique l'autre, il prend seulement. Mais comme la visitation de l'auteur de salut est entrée chez lui, quand vous allez venir demain, vous avez la corruption, dit, ce n'est plus moi. Celui qui faisait la corruption est mort. Toi qui n'aimes pas l'argent, c'est fort. Mais c'était terminé. À cet instant-là, c'est terminé. Regardez cette femme, donc cette démon sont sortis. Regardez la prostituée. Vous savez, quand quelqu'un est dans la prostitution, quand tu gagnes 30 minutes, non, demain il veut arrêter. Tu es constamment dans la prostitution. Mais ce jour, le Seigneur s'est trouvé là-bas. Tes péchés te sont pardonnés. À cet instant, il a suivi Jésus-Christ jusqu'à la croix. Pas vrai, frère? Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit, à celui qu'on pardonne, peut il aime peu. À celui qu'on enlève, quand le péché pèse, plus on t'a délivré, plus tu sais de quoi il est question dans cet amour-là. Alors, pour elle, là, la chaîne, c'était la prostitution, elle ne peut pas s'arrêter. Pour l'autre, au puits de la Samarie, c'était homme après homme. Vous voyez le péché, n'est-ce pas, frère? C'était captif. Quand tu vois, celui-ci, sa voiture, elle vient pas climatiser. On part maintenant, celle qui a la voiture. Après, on part. Homme après homme. Après, le vrai homme s'est tenu là-bas qu'il cherchait en réalité. À cet instant, le jour où il s'est présenté, sa présence a brisé ses chaînes. Vous voyez la présence, n'est-ce pas? La présence du Seigneur Jésus. Donc, toutes ces choses-là, si dans la vie, il y a des choses que vous vous rendez compte que vous faites, que vous ne faites pas, c'est la preuve qu'il y a la présence d'un homme qui a de vous tenir pour vous manipuler. Cet bras-là dans les ténèbres, ça sera coupé aujourd'hui. Amen. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Commençons donc par la première. Vous connaissez toutes vos familles, chacun individuellement. Fermez les cahiers, fermez les livres. C'est maintenant le temps de parler. Non, asseyez-vous confortablement. Vous êtes les princes, non? Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Vous êtes d'accord? C'est bon, parce que si quelqu'un ne sait pas des choses anciennes sont passées, sortez, laissez la place ici. Hein? C'était des choses anciennes qui sont passées seulement. Ça doit passer. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici. Behold, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Donc, écoutez, Colossiens chapitre 1, verset 12, il dit que rendez grâce à Dieu qui nous a rendu quoi? Capable d'avoir part, de prendre part, de participer à l'héritage. Donc, il y a quoi? Il y a un héritage. Un héritage. Il y en a. Donc, vous êtes successeur, frère. Vous êtes un successeur. Il y a quelque chose qu'on appelle héritage qui nous appartient. Rendez grâce à Dieu pour cela. Pas encore ça, parce que vous avez dit que vous n'êtes pas une nouvelle créature. Il dit, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans les ténèbres. Dans la lumière. Ok. Donc, l'héritage, ça se trouve où? Non, mais tu es dans la ténèbre, tu dis que je suis en Christ. Je suis une nouvelle créature. Prends ta possession alors. Prends ta possession. Vous pouvez prendre. Pointe quelqu'un. Dis la confession fausse. Ne t'amènera pas dans la lumière. Mais la délivrance exercée. T'entraînera automatiquement ton héritage. C'est ça la Bible dit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Quand il a franchi pas pour laisser quelqu'un dans les ténèbres. Alors, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a, vous allez écouter, il nous a, la personne dit, sa part est réalisée. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Les ténèbres sont puissantes. Les ténèbres ont des puissances. Toutes les œuvres des ténèbres sont manifestées par les œuvres des ténèbres, dont les esprits des ténèbres. Alors, de la puissance des ténèbres, il l'a transporté où? Dans le royaume du Fils de son amour. C'est là-bas en qui nous avons la rédemption, la rémission par son sang. Si tu n'es toujours pas là-bas, tout ce que tu fais est estampillé et signé par les ténèbres. Tout. Donc, il faut donc que le Fils vraiment affranchi. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la parole est d'accord avec moi. Amen. Donc, il faut la prière, la vraie prière, pas les récitations. Il faut la vraie prière, pas les récitations. Ici, ce style de prière, c'est les paroles données par l'esprit. Si c'est pas les paroles données par l'esprit, ou si vous priez par vous-même, en prononçant les mots intelligibles, les connaissances intelligibles, ça ne peut jamais briser une malédiction. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Écoutez bien, lire un livre, que je chasse les démons de ma famille, oh là-bas, ça ne, si c'est pas une prière du Saint-Esprit, ça ne chassera pas. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les commande de quitter. Vous allez les chatouiller. Ça ne va pas vous aller envoyer le feu là-bas. Envoyer l'eau glacée, l'eau chaude. Balancer le sang dans les yeux pour qu'ils ne voient plus bien. Quand ils vont tourner les yeux, ils vont toujours voir ce rond-là. Seul Christ, notre Seigneur, enlève les malédictions. Amen. Seul Christ, notre Seigneur, enlève les malédictions. Si vous êtes dans une malédiction, pourquoi vous quittez de là? On n'a pas dit deux choses. On a dit le Père qui vous a rendu capable d'avoir pas arrêté de sang dans les mains. Il nous a délivré. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. C'est lui qui doit le faire. Si ce n'est pas lui, vous n'êtes pas réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. On y va maintenant. Alors chacun connaît sa famille. Vous connaissez donc ce qu'il y a. Ce que vous avez fait, là où vous avez participé. Présentez cela devant le Seigneur. Présentez non seulement vos mamans, pas qui s'est passé. Et si vous faites cela, c'est bien pour vos enfants. Parce que, comme Daniel, vous bloquez ces choses-là de traverser sur vos enfants. Présentez cela au Seigneur. Doucement. Présentez-lui seulement votre famille. Si votre maman est marabout, dénonce ses œuvres. Non, Dieu aime mon maman. Ma maman est chrétienne, malgré qu'elle fait le maraboutisme, elle prie, tu parles. Maman, les marabouts prient, elles ont la Bible chez eux, tu parles. Seigneur, tu connais les œuvres des ténèbres dont on a fait montre nos familles. Nous sommes les descendants des pécheurs, les descendants des idolâtres, des gens qui ont pris d'autres dieux devant ta face pour t'irriter. Mes pères et mes mères sont allés au Dieu de gloire devant les princes de ce monde, devant les princes des ténèbres pour faire alliance et pour livrer la descendance. Seigneur, ils nous ont livrés au Dieu de gloire au gré de l'ennemi. Ils ont livré nos vies et notre destinée entre les mains des puissances des ténèbres. Seigneur, nous dénonçons ces œuvres. Nous te demandons pardon au Dieu de gloire de ne t'avoir pas cherché selon ta parole. De ne t'avoir pas cherché Dieu de gloire selon ta voix. Car nous étions ignorants. Sans Dieu, nous étions ignorants, sans alliance. Alors que l'alliance merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ était déjà donnée. Seigneur, je dénonce les œuvres de mes pères. Je dénonce l'idolâtrie de mes mères. Je dénonce au Dieu de gloire les hauts lieux construits dans nos villages. Je dénonce tous les esprits démoniaques que nos pères ont servis sous le coude, sur le nom de tradition. Je dénonce toutes ces traditions, Père de gloire, qui ont en sous-couvert les ennemis des ténèbres, tes ennemis. Seigneur, nous les servons consciemment dans nos familles en disant que c'est nos traditions. Nous dénonçons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ces choses sont mauvaises au-devant de toi. Et tu es, ô Dieu de gloire, en colère et d'une extrême jalousie, Père de gloire, pour punir ces choses. Seigneur, nous sommes des idolâtres. Nous sommes coulés sous le joug des esprits mauvais. Les malédictions s'enfreignent, Père de gloire, parcourent nos familles. Nous sommes sous le coup de la malédiction. Nous pesons sous le coup de la malédiction. Les œuvres de ténèbres témoignent contre nous. Ces œuvres de ténèbres témoignent dans nos vies, Père. Nous tâtonnons en plein midi. Nous attendons la délivrance et la délivrance n'est pas. Nos activités sont extampillées de ténèbres. Pourtant, nous confessons le Dieu des lumières. En toi défend, nous servons les esprits démoniaques. Nous affectons encore des traditions dans nos vies, des choses venant du monde des ténèbres, de chez les marabouts. Père de gloire, daigne nous pardonner. Pardonne à nos parents. Pardonne à mes pères. Pardonne-nous, Père de gloire. Je n'ai pas été en reste, Père de gloire. Nous avons tous participé à cette chose des ténèbres. Nous avons fait alliance avec les ténèbres, Père de gloire, en tendant les mains vers les ténèbres. Père, c'est ces mains tendues vers les ténèbres que nous voulons dénoncer aujourd'hui. Nous dénonçons ces mains tendues vers les ténèbres aujourd'hui. Nous dénonçons toutes ces alliances de tradition dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous dénonçons toutes ces choses. Ce sont des choses mauvaises, des choses que tu condamnes. Ce n'est plus ces choses, elles ne traversent pas mes générations pour aller sur mes enfants. Que ça s'arrête à mon niveau, ô Dieu. Que ça s'arrête dans ma vie. Et que ça n'ait point d'effet sur moi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit l'alliance qu'ils ont tissée dans les ténèbres, Seigneur, aujourd'hui, je m'en répands. Je m'en répands de ces alliances. Je m'en répands, ô Dieu de gloire, de ces alliances. Je ne suis pas plus pur que mes pères. Je ne suis pas plus pur que mes pères. Nous étions tous dans les ténèbres, Seigneur. Dieu de gloire, ces alliances, nous les dénonçons. Seigneur, pardonne notre participation. Pardonne notre participation à ces choses mauvaises, à cette œuvre de ténèbres. Tu as dit dans ta parole qu'on ne freine point pas aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais qu'on les condamne. Seigneur, pardonne notre participation au maraboutage. Pardonne notre participation au culte des morts. Pardonne notre participation avec les esprits des eaux sous la forme des traditions. Pardonne notre participation. Tu as dit qu'on ne participe pas à ces œuvres. Pardonnez et que tout cela s'arrête. Mais qu'on les dénonce. Seigneur, je dénonce que les danses traditionnelles dans mon village sont une abomination devant de toi. Je dénonce que le culte et la tradition qu'on fait en milieu des eaux, c'est une abomination devant de toi. Je dénonce. Je dénonce au Père que le culte des crânes que nous faisons, le culte des ancêtres, c'est une abomination. Seigneur, nous avons mangé des choses issues des cultes de crâne. Nous avons mangé des choses issues des marabouts. Des remèdes, paix et gloire que nous avons hérité de là. Seigneur, nous dénonçons ces choses. Nous dénonçons ces choses. Nous avons mangé des poisons consciemment venant du monde des ténèbres, croyant avoir en elle la vie, la protection, alors que nous livrions nos âmes aux antres de Lucifer. Nous dénonçons tous ces remèdes que nous avons pris. Nos parents nous ont entraînés chez les marabouts pour nous blinder, soi-disant. Mais ils livraient nos vies et les portes de nos corps entre les mains de l'ennemi. Nous dénonçons ces œuvres. Je dénonce toute protection que mes parents ont fait sur ma vie. Je dénonce toute protection. Chaque fois qu'ils ont appelé mon nom chez les marabouts, Chaque fois qu'on a amené mes photos, les choses concernant ma vie, chez le marabout, je dénonce. Dénoncer. Si on a apporté un remède de chez le marabout, tu as pris, dénonce cela. L'alliance doit être brisée. Toute participation de près ou de loin avec les marabouts, dénoncez. Dénoncez. Vous tous qui avez mangé des choses de chez les marabouts, ça doit sortir de vos ventres. Ces choses, ça doit sortir, que le Saint-Esprit les expulse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout poison, tous ces remèdes que vous avez consommés de chez les marabouts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dénoncez, que Dieu annule tous les contacts de votre âme, votre corps, votre esprit a eu avec les marabouts. Vous serez libre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous avez mangé, que vos parents ont donné, conscient ou pas, quand vous étiez petit ou pas, dénoncez. Dénoncez. Dénoncez. Dans le Père, Seigneur Jésus-Christ, je te prie, Père. Je te prie, Seigneur, cela ne sortira de quel que soit le lieu que vous écoutez cette voix, dénoncez votre participation aux œuvres instituées des ténèbres. La Bible déclare de les condamner, ces œuvres-là. Dénoncez. Dénoncez. Vous tous dans le ventre en train de tourner maintenant, c'est ça qui va sortir. Dénoncez. Vous dénoncez, ça ne doit plus rester dans vos vies, ça ne doit plus rester dans vos ventes. Toute substance, tout remède que vous avez mangé de chez les marabouts, c'est une alliance, ça doit dénoncer. Dénoncer. Ces alliances-là ne doivent pas toucher vos enfants. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Ça ne doit plus continuer au travers de toi. Tu n'es pas un courroie de transmission entre vous et ça. Ça doit s'arrêter sur vous. Dénoncer. Que cela arrête aujourd'hui, que l'amour cela prenne fin aujourd'hui dans ma vie, Seigneur. Car toi seul connais toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Que tous ces esprits existent dans ma famille, Seigneur. Dénoncez. Deux poisons que vous avez mangé en croyant que c'est les remèdes de chez le marabout. Dénoncez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dénoncez. dénoncer, dénoncer. Dénoncer. Dénoncer, dénoncer. Nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dénoncer, dénoncer, dénoncer. Dénoncer, dénoncer. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Dénoncer. Dénoncer, dénoncer. Dénoncer. Dénoncer, ça doit vous coûter. Tout ce qui a pris héritage dans votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dénoncer. Dénoncer. Sa puissance est brisée sur vous. Dénoncer. Oui, dénoncer. Dénoncer. Vous voyez comme Nazareth, c'est comme ça, ça va s'arrêter. Vous voyez que c'est pas de mort. Au nom de Jésus de Nazareth, dénoncez, dénoncez, dénoncez, ça doit sortir, ça c'est le poison, ça c'est le poison, ça c'est le poison, lâche ton bal, lâche ton bal, lâche ton bal, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, tout poison, tout ce que vous avez mangé chez le marabout, vous voyez que c'est le remède, voilà ça qui sort déjà. Allez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, sauve tout ça, promets-moi tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout poison et toute substance dans vos corps que vous avez mangé là-bas. Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez tout, tout, tout, tout, tout. Tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Dénoncez. Dénoncez. Dénoncez, dénoncez. Sors de son ventre, sors de son ventre. Sors de son ventre. Lâche ton ventre, lâche ton ventre. Au nom de Jésus de Nazareth. Dénoncez, son pouvoir sera brisé. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez. Place-le maintenant, place-le au sol là. Dénoncez, dénoncez. Dénoncez. Place-le. Mettez la main sur votre là. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Cette chose que vous avez mangée de chez le marabout, croyant avoir les protections, dénoncez, dénoncez-les. Dénoncez-les, ça doit sortir. Dénoncez-les, dénoncez-les. Au nom de Jésus de Nazareth, dénoncez-les, dénoncez-les. Dénoncez-les, dénoncez-les. Dénoncez, dénoncez. Dénoncez-les, dénoncez. Dénoncez. Nom de Jésus de Nazareth. Sors de son ventre maintenant. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors, sors, sors, sors. Sors. Sors de son ventre. Vous voyez ça? Sors, sors, sors. Nom de Jésus de Nazareth. Satan, je te défie avec le nom du Seigneur Jésus Christ de Nazareth. Tu libères le peuple du Seigneur. Nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Dénoncez, dénoncez. Tout ce que vous avez mangé de chez la provenance de chez le marabout. Ça a pris son essor dans ton corps. C'est la base de tout hôtel, de tout contact avec le monde des ténèbres. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez. Dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, toi puissant des ténèbres. Sors. Sors. Sors, allez, sors, sors, sors, sors, au nom de Jésus de Nazareth, allez, lâche-le, lâche-le, lâche-le, lâche-le, sors, sors, sors, tourne-le, tourne-le, tourne-le, tourne-le, tourne-le, doucement, doucement mon frère, tourne-le, tourne-le, tourne-le, mets la main sur ton ventre là-bas, hey! Sors de lui, sors de lui. Sors de lui. Lâche-le. Lâche-le. Dénoncer. Vous ne participez plus à cette lien là. Vous ne participez plus. Sors de son ventre. Tous ces poisons, on doit vous lâcher. Sors de son ventre. Dénoncer. Lâchez-la comme ça, laissez-la. Dénoncer. Laissez-la. Au nom de Jésus. Lève-toi comme ça. La prise de Dieu. Javel, laisse comme ça. Javel. Sens-toi par là-bas. Au nom de Jésus. Avancez comme ça. Dénoncer. Cette voix dit dénoncer. Dénoncer. Je dénonce aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dénoncer. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute participation de près ou de loin aux œuvres de ténèbres, tout ce que vous avez mangé chez les marabouts provenant de là. Si vous êtes connecté en alliance avec eux, dénoncez. Au nom de Jésus Nazareth. Que ce soit le poison que ça a injecté dans votre corps, c'est le moment que ça doit sortir de vos entrailles. Ça doit sortir. Que ça sorte maintenant. Sors. Dehors là, dénoncer. Ça part pour ce qui est dehors. Dénoncer. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, dénoncez. Toute participation avec des choses que vous avez mangées chez le marabout, c'est le moment. Le Saint-Esprit dit dénoncez. La dénonciation brise leur pouvoir. Dénoncez. Dénoncez votre appartenance, votre participation, tout ce que vous avez mangé, de près ou de loin, à ces choses-là, dénoncez. On vous a donné les choses de chez le marabout de manger, dénoncez, ça doit sortir. Vous avez mangé chez ces choses-là, dénoncez. Nom de Jésus-Christ Nazareth. Dénoncez. Tout ce que j'ai mangé de chez le marabout, ne connaissant pas la provenance, je dénonce et je commande que ça me quitte maintenant. Commandez. Au nom de Jésus de Nazareth. Tous ces poisons que ça a lâché dans votre aide, dans votre corps, je commande l'expulsion maintenant. Vous poisons, vous m'entendez. Vous poisons dans le cœur des enfants du Seigneur. Et quel que soit le lieu où vous m'entendez, je commande que ça sorte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout poison que vous avez mangé au travers de ces choses de ténèbres, je commande que ça sorte maintenant. Sortez tout poison. Au nom de Jésus de Nazareth. Va, la femme, tu la soutiens là-bas. Là, mets que sa main sur son ventre là. Tout poison dans vos vins, je commande Vous entendez bien cette voix, je m'adresse à vous trois hommes. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit votre localisation dans ces lieux, vous entendez cette voix, je commande que vous sortez de ces enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors. Vomis-moi tout, tout, tout, ça ne doit pas rester dans son système, c'est terminé. Ton poison doit sortir maintenant. Sors. Sors, vomis tout, tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On va chasser comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix. Tu as entendu. Tu as entendu. Tu as entendu. Lève-toi, il faut qu'il avance jusqu'à la bas de Jésus. Allez, suis-moi. Désir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avance. Ici. Viens ici. Au nom de Jésus. Viens ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Non, non, laisse-nous parler. Au nom de Jésus. Ça, c'est un vieux serpent. Ça, c'est, ça vit sur un arbre. Jésus, c'est un vieux serpent. Ça vit sur un arbre. C'est adoré. Les gens sont devant l'arbre, ils ne savent pas, mais c'est le serpent qui est derrière. Priez d'abord, vous regardez quoi ici? C'est le marché ici. Il y a quelqu'un ici, le gyroscope, qui est sur sa tête ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute substance, que vous avez mangé dans vos corps, qui se trouve dans vos corps, et que c'est le poison maintenant, je commande leur expulsion. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Viens ici, avance ici. Dieu sait pas. Viens ici. Viens ici, viens ici. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi seul, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi seul, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Son corps est le temple du Seigneur. Maintenant, son règne s'arrête dans sa vie. Maintenant, maintenant, maintenant, maintenant. Allez, allez, allez, allez. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. C'est ton temps de quitter sa vie maintenant. Allez, allez. C'est parti. Au nom de Jésus de Nazareth, tout ton corps, de la plante de pleurs jusqu'à ta tête, tout ton corps, au nom de Jésus de Nazareth, toi avance ici, avance, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, tu ne peux plus rester dans son corps, ce garçon ne t'appartient pas, tu l'as fait, c'est fait souffrir comme ça là, c'est terminé. Terminé, terminé. Allez, hey, hey, hey, hey. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance des ténèbres sur lesquelles vous vous teniez. Je commande au nom de Jésus de Nazareth que ça vous lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. La personne qui se trouve ici, le scopeur est sur là. Au nom de Jésus de Nazareth. Tiens-toi par là, monsieur. Au nom de Jésus de Nazareth, tiens-toi là, tiens-toi là. Pourquoi tu ne pries pas alors que c'est tu positionnes au-dessus de ta tête là-bas? Au nom de Jésus de Nazareth. Toute puissance. Toute puissance, hey, hey, lâche-le, lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Libère mon corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Avance. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, libère mon ventre, libère mon ventre, libère mon ventre. Au nom de Jésus-Christ, quitte ici. Au nom de Jésus-Christ, libère mon ventre. Tout ce que vous avez mangé, nous sommes à la première alliance. Tout ce que vous avez, votre participation avec le marabout, tout ce que vous avez mangé, sur les feuilles vertes, mélanger des noix avec de l'huile, c'est devenu le poison dans vos corps. Je commande cette instruction maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette huile, Seigneur, cette viande. Satan, je dénonce tout le poison que tu as donné dans la vie des enfants du Seigneur. Je dénonce. Je dénonce. Je dénonce. Je dénonce. Je dénonce tous ces œufs. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui dans ma famille, Seigneur, je dénonce cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dénonce tous vos œufs. Nous allons pas avoir la suite. Tu vas travailler ici maintenant. Va comme ça. Voilà, comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance des ténèbres qui règne dans vos ventres, tout poison qui se trouvant dans vos systèmes, écoutez cette voix, j'ordonne qu'il soit expulsé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute substance que vous avez ingurgée chez le marabout, que ce soit par liquide, que ce soit sur les feuilles, concocté avec de l'huile rouge ou n'importe quoi que vous avez mangé, les sacrifices d'animaux que vous avez consommés, et toi qui as avalé le cœur du coq, au nom de Jésus de Nazareth, que ça vous lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Mets ta main sur moi. Toi, toi, au nom de Jésus de Nazareth. Libère-moi de cette chose. Au nom de Jésus de Nazareth. De cette alliance, Seigneur. Libère mon ventre, Seigneur. Libère mon ventre, Seigneur. Ces animaux enterrés vivants dans ma famille, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous entendez cette voix. Vous avez participé chez le marabout. Vous avez mangé des choses chez le marabout. C'est le moment que ça sorte. Je commande. Que ça sorte au nom de Jésus de Nazareth. Je commande. Que ça sorte de ces choses aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Libère ma vie aujourd'hui de ces choses. Les enfants du Seigneur doivent marcher dans le nouveau départ avec le Seigneur. Satan, tu lâches le ventre. Libère ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Toi le Dieu tout puissant. Toi le Dieu tout puissant, Seigneur. Dénoncez, dénoncez, dénoncez. Dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, au nom de Jésus de Nazareth, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez, dénoncez. Commandez à ces choses de sortir de votre corps, ça doit sortir. Commandez, commandez, commandez. Quel que soit le lieu où le souper, vous entendez cette voix, ça vous conseille. Commandez, commandez. L'homme vous a donné, commandez, ça doit sortir. Miséricorde, miséricorde, Seigneur. Commandez, miséricorde. Commandez, ça doit vous lâcher. Commandez. Commandez, commandez, commandez. Commandez. Tout poison dans ton corps, ça te lâche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de mon corps. Que mon corps puisse être délivré aujourd'hui au nom tout puissant du Seigneur. Miséricorde et miséricorde, Seigneur. Sois le Dieu tout puissant, Père. Tendre Père, Seigneur Jésus-Christ. Miséricorde et miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Sois le Dieu tout puissant, Seigneur Jésus-Christ. Que mon corps entier, que ça soit un fétiche, Seigneur, où je j'irai, où j'allais puisse être libéré aujourd'hui, puisse être détaché aujourd'hui au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Tendre Père, Seigneur Jésus. Lâche-le, miséricorde, Seigneur. Lâche-le, je te demande infiniment. Lâche-le. Que la lumière soit dans ton corps. Que la lumière soit dans ton corps, au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne manipuleras plus la vie de ces garçons. C'est terminé aujourd'hui. Je t'ordonne maintenant de lâcher son aide. Ton alliance avec lui est brisée. Maintenant, ça s'arrête. Allez, lâche-le. Lâche-le. Allez. 1, 2, 3, lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Que la lumière soit dans tout ton être. Au nom de Jésus de Nazareth. Allez. Lève-toi, jeune homme, tu es libre. Au nom de Jésus de Nazareth, toute présence dans votre corps, venue par alliance de tout ce que vous avez mangé de chez les marabouts, que votre maison ait été sous la protection de ces puissants démoniaques, Je commande et je dénonce les œuvres aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Lève-toi, mon garçon. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, tu es libre. Ne bois plus le thé de ces gens-là. Au nom de Jésus Nazareth. Je crois qu'il faut qu'ils prennent de l'eau. Donnez-lui de l'eau et puis le truc là à l'intérieur. Tu prends de l'air. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Regarde, fixe-moi, d'accord? Fixe-moi. Fixe-moi, d'accord? Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, fixe-moi, d'accord? Fixe ce visage, c'est... d'accord? Lui va voir autre chose, d'accord? Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute puissance. Vous priez, frère. Vous allez prier. Vous là, vous allez prier. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et dites toute substance dans vos corps que vous avez hérité. Déchets les marabouts, je commande l'expulsion. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Tu ne peux plus rester dans son corps, c'est ta fin. Tu ne peux plus habiter son corps, c'est ta fin. Je te commande donc de le lâcher. Je te commande donc de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. 1, 2, 3, c'est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Lâche-le, lâche-le, lâche-le, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-le. Tu ne peux plus rester dans son corps. Et tu ne dois plus rester dans son corps. Il a décidé de prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Et tu as compris, l'alliance est brisée. Ton alliance est brisée. Ton alliance est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton alliance est brisée. Tu ne dois plus rester. Tu ne dois plus rester. C'est parti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. De sortir de moi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Allez, c'est parti, c'est parti. C'est parti, tu ne dois plus rester. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez, allez, c'est parti. Tu quittes son corps. Tu quittes son corps, tu quittes son corps, tu quittes son corps. Au nom, tu ne peux rien faire. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Ça va. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés, Seigneur. Oh, Dieu de vouloir tes bontés sur nous. Merci. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces alliances doivent être dénoncées. Je commande que ça soit dénoncé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance qui se balade dans vos ventres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande leur expulsion maintenant. Je commande leur expulsion maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors, puissance ténébreuse. Sors, libère mon ventre, libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute substance que vous avez mangée de chez les marabouts, même quand vous étiez enfant, n'étant pas conscient, et qui est devenu en vous des êtres, des sources d'alliance avec le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ça sorte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Mettez vos mains sur vos ventres. Vous tous. Mettez vos mains sur vos ventres. Restez juste comme ça. Dans ces ventres. Dans ses ventres, quel que soit ce qui se trouve, quel que soit ce qui se trouve caché, je les dénonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les dénonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les dénonce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce qui se trouve, quel que soit ce qui se trouve, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je les dénonce. Je les dénonce. C'est quoi? Tu mets la main sur le ventre. Tu as encore à aller prendre quoi? Tu as encore à prendre quelque chose? Tu es à l'aise, donc suivez les autres maintenant, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vomis tout ça, vomis tout ça. Tout, vomis tout. Mettez seulement vos mains là. Laissez-moi prier. Vomis tout, tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Écoutez. Je dénonce vos œuvres dans les enfants du Seigneur. Ils ont pris les engagements de servir le Seigneur maintenant. Je vous commande de quitter le système maintenant. Maintenant. Je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres. Et je vous commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth de libérer les corps de ces enfants du Seigneur. Tout poison dans vos ventres venant de la source de ces marabouts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande leur expulsion maintenant. Je commande leur expulsion. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Aucune substance. Toi, tu as assez duré dans sa vie. Tu as assez duré dans sa vie. Aucune substance. Tu ne dois plus rester. C'est le moment de la séparation entre vous et elle. C'est en assez avec vous. Allez. 1, 2, 3. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Dehors. Seigneur, ils ont livré leurs membres comme des instruments de justice entre tes mains. Ces mains maintenant qu'ils ont imposées sur leurs propres mains, Père, c'est ta main. Seigneur, touche-les au travers de leurs propres mains au nom de Jésus de Nazareth. Touche-les au travers de leurs propres mains au nom de Jésus de Nazareth. Touche-les au travers de leurs propres mains au nom de Jésus de Nazareth. Touche-les au travers de leurs propres mains au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toute substance dans ton corps sous forme de poison qui est destiné à produire des fibromes dans vos vies, à produire des kystes, je commande leur expulsion au nom de Jésus de Nazareth. Leur mission s'arrête aujourd'hui, leur alliance avec vous s'arrête aujourd'hui. Quand vous avez pris cela dans la connaissance ou bien dans l'ignorance, cela n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ça s'est terminé aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au travers de vos propres mains, que le Seigneur vous touche maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit aucune substance ne doit rester dans son corps. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Quel que soit le nom qu'on te donne, quel que soit le signe par lequel tu es entré, quelle que soit l'alliance contractée aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est annulé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je dénonce vos œuvres dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ton système, tout ton corps doit être nettoyé. Au nom de Jésus de Nazareth. Je commande que toute substance qui habitait vos corps entre par ces substances données par les marabouts. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ça vous lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche, quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Hé! Hé! Hé! Tu voulais te cacher. Hé! Quitte sa poitrine, quitte sa poitrine. Quitte sa poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth, je dénonce tes œuvres dans sa vie. Je dénonce tes œuvres dans sa vie. Tu ne dois pas l'utiliser. Tu ne dois pas l'utiliser. Elle ne t'appartient pas. Allez, au sol! Hey! Maintenant, c'est parti, tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Tu la lâches. Allez, allez, allez. Aïe! Hey! C'est parti, je dénonce tes œuvres. Je dénonce tes œuvres. Puissant des ténèbres, tu n'habiteras plus ton corps. Maintenant, lâche-la! Lâche-la, quitte sa poitrine, quitte sa poitrine, quitte sa poitrine, quitte sa poitrine! Maintenant, maintenant, maintenant, c'est parti. Un, deux, au sol. Suivez-la qu'elle se fasse pas mal. Suivez-la qu'elle se fasse pas mal. Au sol. Au sol. C'est parti, vérifiez vraiment qu'elle se fasse pas mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mains sur vos ventres. Les mains sur vos ventres. Même si sont. Suivez-la qu'elle se fasse pas mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, mon cher. Lève-toi, lève-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a les ténèbres ici. Il y a les ténèbres là, vous voyez. Il y a les ténèbres. Là, là, il y a les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que toute substance qui habitait vos corps ayant été envoyée par cette puissance de marabout, je commande l'expulsion maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Suivez bien cette fille ici, d'accord? Il y a une flèche. Ça, c'est la flèche qui est dans sa poitrine. C'est la flèche qui habite dans sa poitrine. Une flèche. C'est terrible. Pour quelqu'un, vous voyez une flèche dans la poitrine. Et là, vous allez aller faire les amis. On appelle ceci. Si elle fait le diagnostic, on va dire qu'elle a vous appelez ulcère gastrique. Mais c'est la flèche qui se trouve là-bas. C'est la flèche. C'est terrible. Lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Lâche sa poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche sa poitrine. Mettez les mains là-bas. Mettez les mains. Vos mains sont secourant à lui. Lâche sa poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Puisse le Seigneur vous toucher et renouveler toute votre être afin que vous servez le Seigneur dans un esprit nouveau aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth, lâche la poitrine de cette jeune fille. Sors de sa poitrine. Sors de sa poitrine. Sors. Sors. Sors. Sors. Allez, allez, sors, sors, lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Un. Allez, c'est parti. C'est parti. Lâche-la. Quitte sa poitrine. Allez, c'est parti, c'est parti. Lâche-la. Écoutez-moi bien. Si vous voyez que dans votre environnement, vous voyez que ce n'est pas normal, c'est ce que vous appelez l'ulcère gastrique. C'est pas comment vous appelez cela. C'est quoi l'ulcère gastrique? C'est qui chauffe là, vous entendez comme ça sort là. Si vous savez que ce n'est pas normal, mettez la main sur ça. Chaque fois que vous expérimentez cela, commandez que les flèches quittent votre poitrine. Vous allez voir, d'accord? Voilà. Allez, quitte sa poitrine. C'est des têtes choses ici comme ça. C'est pointé. C'est une flèche qui est pointée sa poitrine. Vous savez, c'est dans le cœur qu'on descend avec les flèches là. Exactement. C'est comme ça que ça se trouve. Il y a une aiguille dans sa poitrine. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors! Sors! Sors! Au nom de Jésus de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de sa poitrine, sors de sa poitrine, sors, sors. Tiens-toi ici, on va venir. Non, non, non. Voilà. d'accord avec moi que s'il y a n'importe quoi dans nos vies, que ça soit expulsé, non? Vous ne pouvez pas marcher, avancer avec le Seigneur avec ceci. Il faut que ça sorte. Depuis on est là, on prie. Il est à l'intérieur, il me guette comme ça, il ouvre les yeux, il ouvre les yeux. Il dit, est-ce qu'il m'a vu? Est-ce qu'il m'a vu? Je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres. Il y a les ténèbres ici, c'est les ténèbres ça. Il y a les ténèbres. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Sors. Vous dormez un jour. Vous voyez comment dans le songe, on vous a soit tiré la balle. Ou bien quelqu'un vous a piqué. Prenez le rêve là au sérieux. Si vous voyez dans un rêve, on vous a poussé avec le fusil, on vous fait pan. Et que vous voyez que ça vous a atteint, vous vous réveillez. Faites attention, on vous a touché sur le plan spirituel. Vous allez oublier le rêve et subitement une paralysie va vous arriver. Quelque chose va vous arriver alors qu'on vous a atteint là-bas. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit vous montre qu'on vous a atteint dans le plan spirituel. Voilà les choses comme ça. Ça habite là, c'est là-dedans. Et vous voyez, quand on enlève, quand quelque chose, quand un bâton entre dans votre corps, lorsqu'on devait enlever, ça fait plus mal que lorsque c'était entré. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! peux plus rester. Ce n'est plus ta place. Tu ne peux plus rester. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes à la première phase. On a dit qu'il y avait deux ou trois points de prière. C'est la première ici là. Donc on arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi. Merci Seigneur Jésus. Enlève la main, mon cher. Enlève la main. C'est quoi avec le calabasse? Il y a un style de calabasse traditionnel. C'est quoi? Qui a ces calabasses? De calabasse. Une calebasse, c'est quoi avec la calebasse? Le dessus, ce rond au-dessus, à l'extérieur, c'est couleur, ce marron, plus foncé. Mais l'intérieur, c'est un peu blanc comme ça. Calebasse. Donc on fait des tours avec chacun porte. À quoi est-ce que ça sert, mon cher? Et qui a ça? Elle est aussi qui était sur le sol. Ça va? C'est parti maintenant. Fais comme ça. Comment tu le sens maintenant? Viens. Tu penses que c'était quoi? Viens. Courage, d'accord? Maintenant tu es libre. Et tu sais maintenant que quelque chose a quitté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Tu penses que c'était quoi? C'est entre, ça faisait comme si on tournait l'aiguille à l'intérieur comme ça. Ça, c'est la flèche. Mais ça t'arrivait souvent. Hein? Et quand ça t'arrivait, tu pensais que c'était quoi? Le mal, justement. Le mal? Que Dieu vous bénisse. Je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres. Vous êtes fatigué, les frères? Non. On a dit qu'on va commencer, que c'était notre journée de prière, non? Amen. Vous avez autre rendez-vous en dehors de ici? Non. Donc on est dans la prière, non? Amen. On peut continuer? Amen. Laissons celle-ci. C'est parce que vous êtes bon. Les jeunes filles là. Vous venez seulement vous éclater le ventilateur. Allez dehors, vous laissez que les circulent. Les femmes qui sont enceintes, elles sont ici en série, concises, en maternité. Faites asseoir celle-ci qui vient d'être délivrée là, à côté du ventilateur, qu'elle ressorte de l'air. C'est bon, mon cher, c'est bon. C'est bon. Ne crains plus rien, d'accord? C'est bon. Donc tu peux laisser les femmes s'y respirer. Tu vas prendre de l'air. Regardez, lorsqu'une maladie est spirituelle et c'est envoyé par les démons, vous pouvez avoir mal à l'intérieur, vous avez des mal extrêmes. On fait les examens, on ne voit pas. Parce que le mal n'est pas d'origine naturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, une cause connue qui le fait. Si ça a été envoyé, vous pouvez rester comme ça. Il y a des flèches à l'intérieur de votre corps. Il dit même le caillou à l'intérieur de votre corps. Vous sentez qu'il y a un poids à l'intérieur de vous. Le problème, c'est que ce n'est pas à l'intérieur de votre corps physique, c'est à l'intérieur de votre âme. Et votre âme est positionnée dans votre corps. Donc, ce que vous ressentez ça sur votre propre corps. Donc, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui peut venir retirer cela dans votre âme. Vous entendez seulement les répercussions sur votre corps pour montrer que votre âme est malade. C'est le Seigneur qui peut restaurer cela. Si ce n'est pas lui, tout ce que vous faites, c'est zéro. Donc, il y a des gens qui vont chez le marabout, par exemple, on dit qu'on va sacrifier un corps, on coupe le corps. Il y a des gens qui ont avalé le, vous appelez, le cœur. On dit, avale ça vivant. Il prend, il avale. Boah! À l'instant où il a avalé, vous allez faire la radio. Vous ne verrez plus cela dans le corps. Ça a pris vie. Ça a pris vie dans son corps. Parce que la personne le fait par incantation. Un esprit lui a donné l'ordre de le faire. Ça a un but pour faire deviner quelque chose à l'intérieur. On doit. Il y a des gens qui ont, ont même mangé des viandes crues pour faire l'alliance de sang. Ça doit s'arrêter. Si vous voulez aller loin avec le Seigneur, il faut que ces choses soient dénoncées. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Tenons-nous dans le debout alors. Tenons-nous debout. Oui, la main sur le ventre. T'as pas de va te reposer. Quand tu es libre, tu es vraiment libre. Quand on est libre, on ouvre la grille comme ça que sortez. Ou si c'est un enfer, tu te balades, tu dis je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Vous tous, vous savez qu'on a prié pour vous, vous n'avez plus de problème. Sortez, laissez la place aux autres. C'est bon maintenant, n'est-ce pas? Non, c'est pas fini ici, celui-ci n'est pas fini. C'est bon, n'est-ce pas? Mais comment tu te sens? Tu te sens maintenant libre, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Donnez l'eau à celui-ci, il voit. Tu suivais tes petits frères, d'accord? C'est bon, maintenant, ça, c'est seulement l'esprit de tétutesse, tu comprends, non? Bon, là, ça, l'esprit de tétutesse, on ne sort pas au nom de Jésus, ça appelle la chicotte. Zangalewa, va dehors. Ma chante, hey, dehors. Voilà. Tu cherches quoi? Tu veux des enfants maintenant? Sors. Madame, sors. Bye bye. Tu vas causer avec ton mari dehors que les serpents aient été tués, d'accord? Amen. Voilà. Vas-y. Viens, mon cher. C'est pas ton temps. Il faut que tu sois à maturité. Et on va avancer, genre. Donc, sortez que vous avez chassé, frère. Ou bien vous avez la volonté qui vous fait l'histoire d'abord pour avant que vous restiez. Hey, regarde. Assieds-toi. Tu viens caler les gens. Frère, tu cherches quoi ici dedans? Frère, tu cherches la délivrance. Frère, tu sors. Il a des rêves aussi comme quelqu'un qui a des problèmes. Sors, va dehors, va causer le frère. Madame Bodo, c'est quoi? Elle va te donner de l'eau aux gens. Jeune fille, à vous, entrez ici. Je passe où? Va suivre le haut là-bas, dehors, pardon. Vas-y. Maintiens-la, maintiens-la, tu vois, d'accord? Maintiens-la. Madame, toi, on a enterré ton ami là-bas. Avance ici, madame. Voilà, tiens-toi là. Voilà, c'est bon. Va se faire. Va poser un père et mari dehors. On va te dire comment elle a déjà entendu. C'est la première fois qu'elle entend des choses comme ça. Va, tu lui dis, bébé, ne t'inquiète pas. Chez nous, ça dure souvent comme ça. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Tu comprends, non? Console-le, c'est ton chéri. Tu vois que tu n'as plus de problème, non? Maintenant, c'est le cœur qu'il faut être détaché, d'accord? Vas-y alors, va te reposer. Pendant que tu pars, tu détaches ton cœur, tu te détaches, tu te détaches, tu te détaches. Vous êtes dehors, vous savez que vous avez le problème entrer. Vous êtes dedans, vous savez qu'on n'a pas le problème sortir. Sors, madame, sors. Tu n'as plus de problème, c'est seulement les dettes maintenant. Ça, c'est le problème des dettes, sors. On ne paye pas les dettes au nom de Jésus. On verse la sueur, on paye. Ça, c'est celui-ci, je suis ici. Toi, reste. Toi, je t'ai vu en vision. Donc, il y a un style de prière pour toi spécifiquement. Parce que j'ai vu des choses se passer avec tes parents dans le temps passé. Tes deux parents, c'est terrible. C'est genre de choses-ci. Si ce n'est pas dénoncé. Parce que j'ai prié pour toi pendant 2 mois, toi. Donc, j'arrive pour trouver toi. Sors, va faire les vélos là-bas dehors, mon cher. Je veux que ça soit libre ici. Sors mon cher, sors, sors, sors. Vous deux sortez. Toi, sors. Allez, faites, asseyez-vous, vous faites des conversations. Mais dans le deuxième volet, quand on va finir cette séance ici, le deuxième volet, vous venez. Venez parce que c'est ce qui nous concerne, d'accord? Madame, viens. Viens. T'as causé avec madame, d'accord? Voilà, tu appelles madame, tu lui dis que ça se passe très bien, que tu n'es pas tombé. Vas-y. Entre. Depuis ton cher. On prie pour la famille cette fois-ci, d'accord? La famille va bien, d'accord? T'inquiète pas, vas-y. Va te reposer. Va, tu peux jubiler, d'accord? Vas-y. Viens, mon cher, viens. Viens. Sors, mon cher, sors. Ne t'inquiète pas. Sors, jeune fille, viens. Vous voyez que c'est. On change le groupe. Ceux qui étaient dehors entrent aussi, non? C'est pas ça, frère. Là, ça, tu pars où? Je vais m'asseoir pour vous. Vous vomir. Non. Va dehors, tu le sais. Dehors, qu'on vomit. Tu n'es pas ici, là. Vas-y, d'accord, ça va. Allez. Il faut être sérieux avec le Seigneur, d'accord? D'accord, mon cher. D'accord. Même si on t'écrit n'importe quel message, il refuse, tu comprends, non? Tu as compris? C'est pas encore l'âge là. Il y a des guillemets. Il y a deux personnes que j'appelle ici. Une en rouge. Elle est sortie. Les deux, c'est, allez vous respirer dehors, mesdames. Vous êtes en rose. Vous aimez trop. Allez-y, allez respirer, d'accord? Viens, toi, tu es mon invité. Viens au milieu là. Voilà. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Va dehors, on va répondre dehors, vas-y. Avance ici. T'en vas dehors, mon cher. C'est bon. Respire bien, d'accord? Suivez les enfants dehors, s'il vous plaît, et ne faites pas de bruit. Vous êtes dehors, vous avez besoin de prière, faites exactement ce qui est dit ici dedans. Venez comme ça, là. Laissez cette place ici. Pour que celle-là vienne devant. Venez, venez devant avec lui, mon cher. Venez dans votre cœur, allons aussi, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Bien. Maintiens là, d'accord? Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Écoutez cette voix. Vous écoutez. Écoutez-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Véro fait quoi ici là? Est-ce qu'on a les aux escaliers? Vas-y. Bon, tu veux se m'avoir les démons aussi. Écoutez cette voix, vous m'entendez, vous m'entendez. Toutes vos œuvres que vous avez faites dans les ténèbres contre les enfants du Seigneur au travers des marabouts, je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si c'est un serpent, ça se trouve sous un arbre. Ça, c'est un arbre principalement adoré. C'est ça qui est là comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et je dénonce vos œuvres, quel que soit le nom qu'on vous nomme. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Il y a l'autre là qui a commencé à l'intérieur de son cœur. Il dit qu'il ne faut pas qu'il tombe ici. On dit que mon fils. Écoutez cette voix. Je dénonce vos œuvres dans la vie de ces enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de leur système. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la calabasse dont je parlais, c'est un truc de distribution pour les choses traditionnelles. Tu sais de quoi je suis parlé? Donc, on fait une cérémonie traditionnelle privée, extrêmement privée. C'est ça qu'on fait, c'est des choses dont les gens boivent en se partageant, comme on fait avec la coupe du Seigneur. Lorsque j'essaie de me rappeler, bon, je sais seulement que j'ai une tante qui est man ici. J'étais entré chez elle une fois, bon, j'avais vu les calabasses. Mm-hmm. Oui, bon, j'avais pas. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous avez mangé chez le marabout, vous entendez bien cette voix. Sors! Toutes ces alliances contractées de chez les marabouts, écoutez très attentivement. Je commande que vous sortez des systèmes des enfants du Seigneur. Allez, hey! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Allez! Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Sors de son ventre. Tout est posé que tu as mis dans son corps. Sors. Vomis-moi tout. Tout. Hey! Il dit vomis tout. Ton ventre n'est pas ton siège. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute puissance des ténèbres qui régnait dans vos vies, dans vos corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dénonce vos œuvres dans la vie de ces enfants. Tout ce que vous avez avalé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça vous lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance avec les ténèbres venant de ces gens-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que ça vous lâche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenez-la bien, qu'elle se passe au moment. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenez-la bien, maintenez-la bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenez-la doucement, doucement. Ne tire pas son. Au nom. Ça n'a pas ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceci. S'il y a des records Guinness qu'on a donné aux serpents vivants sur la terre, c'est l'autre là. Un vieux. Vomis tout, tout, tout. Tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dénonce tes œuvres dans la vie de cette femme. Elle n'est pas attachée à votre tradition. Elle n'est pas attachée à votre famille. Maintenant, vous la lâchez tranquille. Vous lâchez sa vie tranquille. Je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres. Maintenant, vous la lâchez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Vomis-moi tous tes poisons. Vomis-moi tous tes poisons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Sors d'elle! Elle ne vous appartient pas. Sors d'elle, c'est un air assez comme ça. Vous l'avez manipulée dans les ténèbres. Parce qu'elle ne vous connaissait pas. Maintenant, la lumière est dans son corps. Maintenant, allez! Allez! Allez, allez! Allez! Quitte son ventre. Quitte son ventre. Je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres. Aujourd'hui, c'est son jour. Vous quittez sa vie aujourd'hui. Votre alliance avec elle s'est brisée. Oui, vous la poussiez seulement à l'hôpital pour qu'elle parte, pour qu'on opère le ventre. Je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres. Je dénonce vos œuvres. Je demande, dénonce vos œuvres. Et je commande maintenant, que tu quittes son ventre. Allez, quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Sors. Toi, puissant des ténèbres, qui manipulait la vision, manipulait le songe, manipulait les nuits de cette femme. Tu es dénoncé aujourd'hui. Tu es dénoncé aujourd'hui. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Toi, l'esprit de serpent. Toi, esprit de serpent. Tu lâches cette jeune fille maintenant. Toi, esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. Elle ne fait pas partie de votre cercle. Elle ne fait pas partie de votre cercle. Donc votre semence et votre nom quittent votre royaume maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit de serpent. Son corps n'est pas ton habitation. Son corps n'est pas ton habitation. Son corps n'est pas ton habitation. Son corps n'est pas ton habitation. Suivez-la, suivez-la. Mais ne fais pas t'agner, aide-la. Tu sais, maman va te poser des questions. Au nom de Jésus, non, ne rêve pas comme ça. Ne rêve pas comme ça. Voilà, maintenant, comme ça. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors! Maintiens là, qu'elle ne se passe pas mal. Sors! Sors! Assieds-toi d'abord ici et arrive avec ton ventre là. Sors! Elle est forte, reste tout autour là. Sors! Sors! Sors! Esprit de sorcellerie, vous n'aurez plus jamais affaire avec elle. Elle a quitté le camp des ténèbres pour la lumière. Toi, esprit de serpent. Toi, esprit de serpent. Le Seigneur t'a vaincu. Et aujourd'hui, tu es ordonné de quitter la vie de cette jeune fille. Allez. Tu ne dois plus la manipuler. Tu ne dois plus manipuler son être. Tu ne dois plus manipuler son être. Et tu n'es pas digne d'être adoré. Jésus-Christ seul, elle doit être adoré. On ne te servira pas. On ne te servira pas. Tu es réservé pour les ténèbres. Et maintenant, tu quittes ce corps de lumière. Maintenant. Maintenant. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, sors d'elle. Toi, sors d'elle. Mettez-la doucement. Laissez-la doucement au sol. Doucement, doucement, doucement. Elle ne se fasse pas mal. Doucement. Doucement. Doucement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de cette maman. Sors de cette maman. Sors de cette maman. Après maman, so, amène cette maman si elle a des confessions à faire. Elle cause avec elle. Ouais, maman, so, elle est où? Donc, dès qu'on va finir avec elle, là, il faut qu'elle parte. Elle a des confessions à faire. D'accord? N'oubliez pas, il ne faut pas qu'elle parte sans sens là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Juste remember what I told you last time we met. At the vehicle side there. Just go out there. Go out there and stay out. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos mains, vous qui êtes debout, vos mains sur vos ventres. Restez juste tranquille comme ça. Vos mains. Qui se sert? Il est écrit que vous offrez vos membres comme des instruments de justice pour sa gloire, n'est-ce pas? Vos membres sont ces instruments. Mettez. Si je trouve n'importe quoi dedans. Si vous entendez un mouvement déjà dans votre ventre, sachez qu'il y a un être à l'intérieur qui commence à fuir une présence. Si c'est là, commandez-lui de quitter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui es-tu? Pourquoi tu veux détruire cette femme? Tu as décrété avec votre groupe qu'elle ne sera rien, elle va tourner en rond. Que tout ce qu'elle va commencer, vous allez détruire. Mais aujourd'hui, ce sont jours du nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets la main maintenant sur son dos. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah frère, vous devez comprendre que Dieu vous aime. Si de telles choses se passent avec vous, c'est le signe que le Seigneur vous aime. Il a le regard sur vous et veut parfaire votre vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Allez. Sors. Toute substance dans votre être, dans votre corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, mets-moi ta main gauche sur le ventre de la femme qui est debout là, à côté de toi, mets-moi ta main sur son ventre, mets sur son ventre, exactement là-bas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors de cette femme. Sors de son ventre. Tu avais pris place dans son corps. Vous la voyez belle comme ça. Mais le lait qui se trouve à l'intérieur, s'il arrive qu'on veut la regarder, on dit, voici une femme. C'est ça, c'est celle-là qui va se présenter. Vous avez dit qu'on doit prier nos frères et sœurs. Sur nous, c'est la première phase. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que toute œuvre que tu avais fait dans sa vie, tout hôtel que tu avais déposé dans son corps, pour te la contacter à tout moment, soit renversé et brisé maintenant. Soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets ça sur son ventre. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute substance dans votre être que vous avez ingurgée au travers des choses du marabout, pour vous mettre en relation avec les ténèbres, quel que soit le moment, que vous soyez né avant, après, et que la famille ait pris cela comme alliance avec la famille. Je commande et je dénonce leur œuvre. Je commande leur destruction dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande leur destruction dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande leur destruction dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que vous avez pris comme substance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans vos ventres, je commande leur expulsion. Dans votre corps, je commande leur expulsion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors. Allez. Sors. Sors. Sors. Sors tes poisons. Sors tes poisons. Sors tout. Tout, tout, tout. Vous devez cacher cette maman. Sors tout, tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors donc, reposez ta femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon, comment on fait? C'est bon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le, lâche-le, lâche-le. Lâche-le, lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintiens toujours la main là-bas, maintiens la main là-bas. Sors de cette femme. Sors de cette femme, sors de cette femme. Sors de cette femme, sors de cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de cette femme. Sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sodel, sodel, sodel. Tous tes poisons que tu as mis dans son ventre, sors-moi tout cela. Allez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi le cœur là est vide? Quand tu es seul, tu fais quoi avec la parole de la parole de Dieu? Pourquoi c'est bien? Là, mon cher. Qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, quand je suis seul, j'essaie de limiter mes. Ça ne donne pas. Va dehors, on va prier. On va prier, d'accord? Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! C'est toi le bon canal aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es fatigué, tu ne dois pas t'en sortir là-bas. Oh. Je te préviens. Ok, merci beaucoup. Ce n'est pas comme le frère Laurent, non? Au nom de Jésus de Nazareth, toutes vos substances doivent quitter ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, Maintiens la main là-bas. Maintiens la main là-bas. Maintiens la main. Soutenez-la, d'accord? Regarde-moi, tu es prêt? Baisse ta main. Sois vigilant, d'accord? Ça, c'est la surprise, n'est-ce pas? Regarde. Ça, c'est la surprise plutôt pas ici, n'est-ce pas? Et quand il dit tu es prêt, le gars croyait qu'il avait réussi. Il va recevoir un décharge comme ça. Tout ton être, ton corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre au nom de Jésus. Sois libre maintenant au nom de Jésus. Que tout ton être soit nettoyé dès maintenant et à jamais. Et que partout où ces substances étaient entrées, résidées, que ça sorte dans tous les trous et dans tous les entrailles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre, madame, lève-toi, va célébrer dehors. Lève-toi. Doucement. Faut qu'elle repense. Jésus-Christ de Nazareth, je dénonce toute substance dans votre corps qui soit entrée par les marabouts. Je dénonce là et je commande leur expulsion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On traite avec les substances des marabouts, des idoles des marabouts. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pris beaucoup d'air. Prenez beaucoup d'air, d'accord? Prenez beaucoup d'air. Voilà. Toute substance venant des ténèbres, au travers des marabouts, de toutes ces choses que vous avez bu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande leur expulsion. C'est pas ton moment, c'est pas pour toi ici là. Lève-toi, tiens toi là-bas, on va travailler ici. Parce qu'il faut que ces choses quittent son corps. Non, non, lève, reste juste à côté de lui. Reste là, sur la chaise. Sors. Maintiens là doucement qu'elle se fasse pas mal. Sors de son ventre. Lâche ses reins. Lâche la main. Hein? Sors de ses reins. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-la. Mets tes deux pieds comme ça. Laisse-la entre tes pieds. Voilà, reste juste comme ça, d'accord? Sors de ses reins! Sors! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Au nom de Jésus-Christ de Nazareth! Vous qui êtes dehors et qui êtes libre, vous avez prié. Même si vous êtes en train de jeûner, vous voulez prendre de l'eau, prenez. Ne vous inquiétez pas, prenez de l'eau aujourd'hui. C'est grâce là. Sors! Allez, sors d'elle. Toi, esprit de serpent. Toi, esprit de serpent qui réside dans ses reins. Toi, esprit de serpent qui réside dans ses reins. Je t'ordonne au nom de Jésus de Nazareth de quitter ses reins. Maintenant. Cette fille veut servir le Seigneur. Tu l'as manipulée, tu l'as utilisée, tu as pris ta résidence en dessous de ses reins pour sucer son sang. Je dénonce tes œuvres. Sors. Allez. Maintenant, tu sors sans lui faire du mal. Maintenant. Tu sors sans lui faire du mal. Maintenant. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Maintenant, sors. Sors d'elle. Son sang n'est pas pour toi. Et son corps n'est pas ton lieu de résidence. Sors d'elle. La soeur, tu sais, laisse d'abord de bouger avec toi, d'accord? Prends le tact, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de ses reins. Sors de ses reins. Il faut que tes pensées soient dans un lieu sérieux de prier, d'accord? Il faut que tu sois entièrement ici. Et on va travailler, d'accord? Reste d'abord calme. Sors de ses reins. Viens, mon frère. Sors de ses reins. Prends-la sur la raison, vous allez poser des disques qu'elle a sur le cœur, d'accord? Prends-la. On ne peut pas prier comme ça. Avec ces obstacles ici. Tu fais quoi d'assise là-bas? Regarde-moi celle-ci. Tu as 15 ans, tu es de bon papa Tanya qui va de passe la peau bien en âge. Il est debout depuis. Oh. Sors de ses reins. Sors de ce rein, sors de ce rein. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit de serpent. Esprit serpent. Toi, esprit serpent. Tu quittes son rein. Tu ne résides plus dans son bas-ventre. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Je la lâche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, pas. Pas maintenant. Pas maintenant. Elle ne t'appartient pas. Allez, c'est parti. Allez. Je dénonce toute substance prise par alliance, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Quand vous avez envoyé cela, que le marabout soit venu chez vous travailler, quand vous avez donné que vous étiez enfant, vous avez indulgé, vous-même vous avez visité le marabout dans l'ignorance, je dénonce ces œuvres-là et je commande que ces hôtels-là dans votre corps, dans votre vie, soient détruits au nom de Jésus. Que les alliances de ces ténèbres-là soient consumées dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, mademoiselle. Lève-toi, lève-la. Elle est libre. J'espère que je n'ai plus l'inviter maintenant. Maman, lève-toi, lève-toi. Il y a une maman dehors, on appelle Maman So. Tu connais Maman So? Va, tu lui parles, d'accord? Il y a des choses que tu dois lui dire. Si tu lui dis, si ce n'est pas suffisant, viens lui dire donc ce que tu dois dire, d'accord? Va, ceci c'est la confession, d'accord? Des choses, des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute alliance avec le monde des ténèbres, par le biais des substances que vous avez prises de chez Satan, par les marabouts, je commande que les œuvres vous quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas qu'on soit au matin, tu vois, non? Laisse-nous ça, on ne doit pas voler, c'est pas à l'école ici. Lève-la, elle est libre, mon cher, lève-la, elle s'assoit là-bas, doucement, doucement, doucement. Prenez de l'eau, vous tous qui avez prié, les conducteurs là. Dis au conducteur que personne ne bouge après cela, parce que après le jeûne, si on a 7 jours de jeûne à sec, chacun. Les conducteurs seulement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, donnez-lui de l'eau, se repose. Ceux qui ont le gros ventre là, vous maigrissez seulement. Ça va, mon cher? Ouais, tu vois qu'il faut qu'on dénonce ces œuvres aussi, n'est-ce pas? Ce sont des choses qui nous ont tellement traînés dans le. Dans le, on est en retard à cause de ces choses comme cela. Dans la famille, on tourne en rond, on tourne en rond à cause de ces choses comme cela. Voici c'est pourquoi le Seigneur a invité aujourd'hui qu'on dénonce ces choses. Maintenant, il y a une nouvelle cape, une nouvelle horizon qui s'ouvre maintenant. Ça doit changer, d'accord? Ça, c'est le vin de mes que tu donnes le petit gobelet, mon cher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que toute substance que vous avez pris dans les ténèbres, appartenant aux ténèbres, au travers des marabouts, que ça vous lâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, vas-y, non. Tiens, sommeil, non. Vas-y. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va maintenant, d'accord? Ça va, va faire un tour. Tu te relaxes, d'accord? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu te sens, madame? On t'apporte un peu d'eau. Apportez de l'eau ici. Je crois que vous feriez mieux de prendre une bouteille d'eau pour distribuer là pour ceux qui ont soif. Voilà. C'est que quelque chose ne va pas. Tu sais que ça ne va pas, n'est-ce pas? Au nom de Jésus de Nazareth. Mais vous qui êtes à la porte là, allez laisser que l'air circule pour que les femmes, il y a des femmes enceintes là pour qu'elles puissent avoir de l'air avec elles. Mon cher, ce ne serait pas bien de porter plutôt le vous appelez le verre là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute substance dans vos corps que vous avez mangé au travers des rituels des marabouts pour la protection de la famille et toute porte ouverte dans vos vies. Elle a bu déjà. Hein? Non, il faut lui donner parce qu'il faut que ça, il y a des choses qui vont sortir dans son corps. Là. Après, vous la conduisez, les femmes là, vous la conduisez à la toilette. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a déjà donné à celle-ci. C'est un bon lit là maintenant. C'est le lit. Ben non, celui-ci seulement, il est attaché. Ah, c'est fort pour la première qui vient. Hein. Pour rester que ce soit le bruit. N'est-ce pas? 7 jours de jeûne. À sec, hein? Avec tes yeux, on est ensemble. Fais marche, on est habitué, non? 7 jours de jeûne. Mon garçon, tu dois être détaché de ceci. Tu dois être détaché de ceci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les conducteurs que vous êtes dehors, là, toi, tu as dit leur. Il faut que quelqu'un dise que non, je n'avais pas entendu. Tu as transmis, non? Répète à haute voix 7 jours de jeûne à sec. Voilà. Même si quelqu'un dit qu'il a la palpitation va s'arrêter. Conducteur, 7 jours de jeûne à sec. Frère, tu l'as entendu? Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu es libre maintenant. Tu fais attention. Tu as compris? Tu es libre. Il vient, tu fais attention. Extrêmement attention. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon garçon, ça va. Ça va. Maintenant, tu te souviens de ce qu'il t'avait dit à l'assemblée? Un jour, tu avais oublié. Tu te souviens? J'avais dit quoi? Toujours le problème. Si tu voulais qu'on parle. Qu'est-ce qu'il avait dit concrètement? Mon frère, ça va maintenant? Et le cœur était comment? Elle a veillé sur le cœur. Les cœurs étaient comment? Les cœurs étaient comment? Les cœurs étaient comment? Toi, ça va? Ça va me trouver un Godi Bakoko. Vas-y, c'est terminé, d'accord? On va demander quand tu donnes l'eau glacée. Ça va, frère? Ça va? Asseyez-vous, vous autres. Viens donc. Viens toi ici. On va prier. Attends. Tu es fatigué. Tends la main là-bas. Toi, esprit de serpent ancestral. Serpent ancestral. Je te commande de quitter ces jeunes filles. D'accord? Allons-y. Toi, esprit de serpent ancestral. Je te commande de quitter cette jeune fille. Si on te donne d'abord l'eau, tu bois après. Toi, esprit de serpent ancestral. Je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Tu es marqué. Tu es marqué. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Regardez bien, il dit toi. Vous êtes marqué. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Donc vous allez dans les villages, vous voyez des arbres qui sont debout, vous voyez, c'est là, les arbres simples. Alors que ce sont des êtres qui sont debout. Ça, c'est l'extension donc, de ces choses-là. Au village, il y a un arbre comme ça là. C'est le serpent. L'arbre là, c'est serpent-ci. Avec des vieilles écailles. Toi, esprit de serpent. La question maintenant, c'est comment elle a fait pour entrer dans la vie de cette jeune fille. Ça, c'est la question. La question maintenant, c'est pourquoi, quel droit a-t-il, quel rapport y a-t-il entre cet arbre là et elle? Dans la question. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Il y a de autres travaux qu'il faut faire avant le nettoyage total. Donc, vous êtes marqué. D'accord. Mais vous n'êtes pas marqué dans la même façon. Tu es marqué. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Quitte cette fille au nom de Jésus. Oh le frère William. Quitte cette fille au nom de Jésus. Oh le petit William. Toi, esprit de serpent ancestral. William, il est parti. Je te commande de quitter cette jeune fille. Le petit. Celui qui est court comme moi. Toi, esprit de serpent ancestral. Je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral. Il est où? Je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit de serpent ancestral. Je te commande de quitter cette jeune fille. Donc, ce qui se passe maintenant, c'est comme si le serpent évoluait quelque part. Tu viens sur sa tête, tu viens de caresser sa tête comme ça. Que dors bien, serpent. Dors bien. Parce que si ce que tu as de dire ne sort pas ici, tu m'as dit que le cœur, est-ce que tout allait bien? Si ça ne sort pas, s'il n'y a rien qui le bloque ici, s'il y a quelque chose qui le bloque, ça ne rien ne se passera. Parce que tu dis, je te commande de sortir, tu dois sortir d'ici. Donc si ça veut sortir, qu'il y a quelque chose qui bloque ici, ça ne peut pas marcher. Donc ça veut dire que tu as dit que dors bien, serpent. Traite-la bien. Donc fais l'effort que ça sorte alors. Quitte cette fille au nom de Jésus. Toi, esprit de serpent ancestral. Tu connais le genre de choses qu'on finit de dire. On dit une fois, deux fois, trois fois, après je suis fatigué de ça, on ne dit plus rien. Et comment peux-tu qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas d'obstacle? Tu comprends ce que ça veut dire, frère? Il dit que tu connais, j'ai cherché des problèmes avec toi. Il dit, je ne veux plus tes choses. Moi aussi, je ne veux plus tes choses. Et puis ça se passe. Et puis tu dis, ok, il ne dit plus rien. Reste tranquille dans mon coin. Tu sais ça, hein? C'est quoi de quoi il est question? Hein? Oui. Tu sais ça, hein? Oui. Mais quitte alors la scène. Va résoudre le problème. m'ont-ils pas dit tout à l'heure que tout va bien? M'ont-ils pas dit ça? Ils ont dit que tout va. Hey! Comme les Israéliens ont dit à Josué là-bas, Josué, que loin de nous l'idée de ne pas servir l'éternel. Hey, nous servirons l'éternel, tu ne connais pas qu'on est le patriotisme. Il y a encore qui ici dehors et. Attends, je vais me couler la sauce. Ouais, allez, viens ici. Viens sur ton tour. Comment ça va avec ta femme? Tout va bien. Ça, c'est ce qui aura le test. Tout va bien avec ta femme. Tout va bien avec ta femme. Tiens-toi donc là. Tends donc la main, tu dis que toi, esprit ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Comment vous êtes serré comme ça là? Mais ton mari, t'a laissé. Non, il est dehors. Chacun se cherche de son côté. Non, on se cherche pas, on est ensemble. Vous êtes un, en esprit. Nous, à la maison, on ne peut pas dire ça. Elle va dire qu'elle va venir dormir ici. Toi, esprit ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. Toi, esprit ancestral, je te commande de quitter cette jeune fille. La dernière, je peux porter sur quoi? Si on manque d'attention. On manque d'attention. Non, pas romantique, non. Justement. Mais je crois qu'il n'y a pas de problème. Ouais, c'est très heureux. Ça t'est revenu. Donc tu es attentionné maintenant. Donc tu es romantique maintenant. Donc le frère Yannick est romantique, c'est ce que ta femme veut. Hein, frère Yannick. Tant dans la main maintenant. Allons-y, mais là, touche toi maintenant. Si tu es romantique, vraiment, on va voir maintenant. Hein. Touche, ta main se touche. Et tu dis quand même, frère. Hein. Là, c'est le conducteur romantique. Ouais, où est le frère Jimmy? Il est derrière maman. Frère Jimmy est où, maman, t'as les staffs, son fils, non? Donc l'argent l'a entraîné. Donc c'est le truc qui était derrière le train, la femme dit que non, l'argent là. On a commande maintenant, comment maintenant ça va? Commande, toi, esprit ancestral, quitter cette fille, non, je veux que tu l'arrêtes. Je te commande, esprit ancestral, quitter cette fille, non, je veux que tu l'arrêtes. Sois prêt d'abord, parce qu'après vous êtes lâché. Au nom de Jésus Christ, lâche cette fille. Lâche cette fille. Lâche cette fille. Je te commande. Au nom de Jésus Christ, lâche cette fille. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche. Au nom de Jésus Christ, arrête. Je te commande. Au nom de Jésus Christ, arrête. Lâche! Lâche! Non, du jeu de l'arrêt! Je te commande! Toi, esprit ancestral! Lâche! Lâche! Lâche là! Au nom du jeu de l'arrêt! Pour les 50 conducteurs! Au nom du jeu de l'arrêt! Lâche! Il a décidé que. Lâche! C'est pas ça que tu peux passer la vie spirituelle à te conseiller! Lâche! Bon, tu veux passer aussi? Lâche! Frère. Je te commande. La prochaine fois, non. Je te commande au nom de Jésus de la reine. Lâche cette fille. Toi, esprit ancestral. Au nom de Jésus de la reine. Je te commande. Toi, esprit ancestral. Lâche cette fille. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la! Au nom de Jésus qui te l'arrête. Au nom de Jésus qui te l'arrête. Lâche! Lâche! Lâche! Lâche! Lâche! Lâche! Lâche-la! Au nom de Jésus qui te l'arrête. Au nom de Jésus qui te l'arrête. Lâche-la! Je te commande. Au nom de Jésus-Christ, lâche. Maintenant. Maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Je te commande. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, esprit ancestral. Lâche. Lâche. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche. Je te commande. Tu es vaincu. Au nom de Jésus qui nous arrête. Lâche-la. Lâche-la. Continue. Continue. Lâche-la. Continue. Lâche-la. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Continue. Sors. Continue. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Je te commande. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, sors. Sors. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus que nous arrête. Sors. Je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus que nous arrête. Toi, esprit, esprit, sors. Sors d'elle. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle. Sors. Au nom de Jésus que nous arrête. Au nom de Jésus que nous arrête. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Continue. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth, sors! Sors! Sors! Continue, continue! Sors! Continue! Sors! Continue! Sors! Sors! Sors! Continue! Sors! Sors! Continue! Sors! Sors! Continue! Sors! Sors! Continue! Sors! Sors! Continue! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Continue! Sors! Sors! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, continue, sors, continue, sors, sors, sors, sors, sors, continue, sors, continue, sors, continue, sors, continue, sors, continue, sors, sors, sors, continue, sors, sors. Continue, continue, lâche, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, ne lâche pas, ne lâche pas, ne lâche pas, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, sors, sors, sors, sors, sors. Sors, sors, sors, sors, sors.

au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de la lâcher. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle. Toi, esprit ancestral, sors. Toi, esprit ancestral, sors d'elle. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de la lâcher. De la lâcher. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors. Sors. Sors. Toi, esprit ancestral, je te commande de quitter son corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors d'elle. Sors d'elle. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. Je te commande de la lâcher. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Je te commande. Toi, esprit ancestral. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Lâche-la. Lâche-la. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Je te commande. Je te commande. La lâcher. La lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors d'elle. Toi, esprit ancestral, je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la lâcher. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, je te commande, toi esprit ancestral, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, je te commande. Je te commande, toi esprit ancestral, sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sors, sors, sors, sors, sors. Je te commande, toi esprit ancestral, de la lâcher, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la. Je te commande. Non, attends. Là, c'est facile. Reste calme, juste, d'accord? Juste là, d'accord? Oh! Dis-toi forteresse, je te commande de quitter. Vas-y. Forteresse, je te commande de quitter. Toi forteresse, je te commande de quitter ce corps. Je te commande de quitter ce corps. Ce corps ne t'appartient pas. Je te commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande. Je te commande de lâcher ce corps. Je te commande de quitter ce corps. Appelle son nom, son nom. Forteresse, je te commande. Quitte ce corps. Je te commande, toi, forteresse, laisse ce corps. Laisse ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, forteresse. Je te commande. Au nom de Jésus. Toi, forteresse, sors de ce corps. Sors. Sors de ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, toi forteresse, je commande. Au nom de Jésus de Nazareth, laisse ce corps, laisse ce corps. Appelle toujours son nom. Forteresse, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Forteresse, je commande. Sors de ce corps. Je te commande, toi forteresse. Sors. Sors de ce corps, forteresse. Sors. Sors. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande. Forteresse, je te commande. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Forteresse, je te commande. Je vais le lâcher. Je te commande. Je vais le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Forteresse, je te commande. Je te commande, au nom de Jésus que Nazareth, de le lâcher. Forteresse, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Forteresse, je te commande, toi. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus que Nazareth. Au nom de Jésus que Nazareth. Forteresse, lâche-le. Forteresse, je te commande, de le lâcher. Au nom de Jésus que Nazareth. Toi, forteresse, je te commande, de le lâcher. Je te commande, toi, forteresse, lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de lui. Sors de lui. Sors. Toi, forteresse, sors. Forteresse, je te commande de sortir. Je te commande. Je te commande. Je te commande, forteresse. Je te commande, forteresse, de le lâcher. Sors de lui. Sors. Sors! Sors! Sors, forteresse! Sors! Sors! Sors! forteresse, je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Sois forteresse, sors de lui. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors, forteresse. Je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, forteresse, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Forteresse, je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, forteresse, lâche-le. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de le lâcher, toi, forteresse. Lâche-le. Forteresse, lâche-le. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Sors. Sors. Sors de lui. Sors, toi, forteresse. Sors. Sors. Sors. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Sors, forteresse, sors de lui. Sors. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sorti de lui. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Forteresse, je te commande de le lâcher. Je te commande, toi, forteresse. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, forteresse, tu es vaincu. Tu es vaincu. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, toi, forteresse, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Lâche-le. Forteresse, je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande, forteresse, de le lâcher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth, commande toi, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Toi, forteresse, je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de continue, Jésus continue, de continue. Sors. Sors. Sors. Lâche. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande de le lâcher. Forteresse, je te commande. Je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Je te commande. Toi, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. Je te commande, toi, forteresse, lâche-le. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de lui. Sors. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Dans le nom de Jésus. Sors. Toi, forteresse, je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Sors. Sors. Sors. Sors de lui. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, forteresse, je te commande de le lâcher. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Forteresse, je te commande. Forteresse, je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, forteresse. Toi, forteresse. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. De le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom puissant de Jésus. Lâche-le. Lâche-le. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth, de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth, de le lâcher. Toi, forteresse, sors. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Sors. Sors. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Je te commande, toi, forteresse. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de lui. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi, forteresse. Je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors de lui. Sors. Je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande, forteresse. De sortir de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, quitte maintenant. Sors. Sors. Lâche. Quitte, lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche. Lâche. Lâche-le. Allez. Lâche-le. Allez. Au allez. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez. Lâche-le. Allez. Lâche. Lâche. Allez, lâche. Allez, allez. Lâche-le. Allez. Lâche. Lâche. Allez, allez. Lâche-la. Lâche-la. Lâche. Lâche-la. Lâche. Lâche. Lâche. Allez. Lâche. Lâche-la. Lâche-la. Lâche. Aïe. Lâche-le. Aïe. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-le. Aïe. Lâche-le. Aïe. C'est parti. C'est parti. Tu ne peux plus rester. Non. Elle va servir le Seigneur dans un corps saint. Tu ne peux plus rester dans son corps. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Allez. Je te commande. Allez. Allez. Je te commande. Tu es parti, tu la lâches. Tu es vaincu. Tu la lâches. Vaincu. C'est parti. C'est parti. Tu vas forteresse. C'est parti. Tu vas forteresse, je te commande. Au nom de Jésus-Christ. Elle ne veut pas des puissants des ténèbres. Elle ne veut pas d'esprit des ténèbres. Donc toi, lâche-la maintenant. Au nom de Jésus-Christ, lâche-la. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Je te commande. Toi, forteresse. Toi, forteresse, je te commande. Au nom de Jésus-Christ, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Sors. Forteresse, je te commande de le lâcher. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Toi, forteresse, je te commande. Lève-la, lève-la. Lève-la, lève-la. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Tu as mangé quelque chose, mon cher. On t'a rien demandé, tout ce que les gens disent, non. Lâche-le. Vous n'avez rien demandé. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Monsieur, il est quelle heure? Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Sors. La forteresse. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors parti. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le, toi, forteresse. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. Je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Sors. Lâche. Lâche. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, toi, forteresse. Je te commande. Toi, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, je te commande. Toi, forteresse. Toi, forteresse, je te commande de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Sors. Sors. Sors. Sors. Sors. Toi, forteresse, je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth, sortis de ce corps. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Je t'ordonne. Au nom de Jésus de Nazareth, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors de ce corps. Sors. Toi, frère, je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, sors, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus. Nazareth, je te commande de le lâcher. Je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. De sortir de ce corps. Je te commande de sortir de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, forteresse. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Toi, forteresse, je te commande. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de le lâcher. Je te commande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de sortir de ce corps. Sors! Sors! Sors! Sors! Sors! Toi, forteresse, je te commande. Je te commande. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sors de ce corps. C'est toi, sors de ce corps. La nuit, elle a passé. Toi, forteresse. Toi, forteresse. Toi, la passe, tu ne vois pas. Non, ça passe autour de toi, ça part. Tu ne vois pas toujours. Je te commande de le lâcher. Je te commande de le lâcher. Non, c'est passé autour de toi. Allez à gauche, allez à droite. C'est arrêté là-bas à gauche, tu as vu. Au nom de Jésus-Christ. Quand tu regardes quoi alors? Quand tu regardes, tu vois quoi? Lâche-le. Tu peux aller là-bas. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment tu ne te sens pas? Au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Tu es vaincu. Toi, forteresse, tu es vaincu. Je t'ordonne. Tu penses que le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. Aujourd'hui, on a fait une alliance. Je te commande. On va régler ça. Donc, à l'instant où tu as réglé, ça se pose qu'il y a un contact. Toi, forteresse. Donc, je t'en prie. Sorti de lui. Sors. Sors. Droit maintenant. Sors! Donc tu peux foncer. Au nom de Jésus de Nazareth. Il veut prendre d'abord le courage. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. Tu ne sens pas que tu es prêt, n'est-ce pas? Toi, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Sors! Toi, forteresse, je te commande. Tu connais le chien. Au nom de Jésus de Nazareth, de le lâcher. C'est quelque chose qu'on veut faire. Qu'on ne doit pas faire. Lâche-le. Qu'on en aime faire. Lâche-le. Mais qu'est-ce qu'ils sont là depuis là? Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Les pompiers, ça sonne ça. Je te commande de le lâcher. Va t'aller. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Ouais, de fait, lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Donne-le à lui. Lâche-le. Donne-le avec tout le sang. Lâche-le. Donne-le le sang de son mari, il ne connaît pas. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est une nouvelle création. Lâche. Lâche-le. Les choses enseignent même les sangs. Lâche-le. Bon, continuez la conversation. Ton corps ne t'appartient pas. Tu as le temps de les dire, les choses. Ton corps ne t'appartient pas. On ne veut pas faire. Je te commande de le lâcher. C'est de comprendre avec moi. Lâche-le. Chaque fois, mais on y revient. Lâche-le. Lâche-le. Mais c'est une méthode. Non, de Jésus de Nazareth. Non, de Jésus de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Je te commande. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as fait le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Force pour pouvoir devenir que ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu as fait, c'est comme prier. Lâche-le. Mais comment tu nous dis que tu es. Sors. Sors. Parce que la vie, demande quelque chose comme ça. Il nous écoute. Il nous écoute. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Il n'y a plus de sens. D'accord. Mais c'est la prochaine fois que tu sors. Sors. Tu te commandes. Parce que j'étais tout à l'heure dans la deuxième partie. Sois forteresse. Lâche-le. C'est la prochaine fois. Lâche-le. Lâche-le. Après une séance. Lâche-le. Après une séance. C'est-à-dire qu'après ça, on va prendre la première, mais on va conduire la deuxième séance. Lâche-le. Lâche-le. Je te commande. C'est pas ça. Je te commande. De le lâcher. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est l'œuvre là, son bras. Chacun va crier. Toi, forteresse. Jean-Baptiste là-bas. Je te commande de le lâcher. Toi, forteresse. Il te regarde seulement comme ça. Je te commande. De le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ne tente pas. Sors. Tu avais la même chose. Sors. Sors. Tu appelles Olivier. Sors. D'accord. Sors. Sors. Je te commande, forteresse, de le lâcher. Merci. Je te commande. Toi, forteresse, de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Toi, forteresse, je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Sors. Sors. Je te commande. Je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Comment il vomit tout ça? Sors. Vomis. Vomis. Vomis. La forteresse, vomis. Ce que tu as mis en nous, vomis. Vomis tout. Que tout cela sorte. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis. Vomis. Vomis. La forteresse, vomis. Vomis. Vomis. Je te commande. Je te commande. Vomis. Vomis cela. Vomis. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis. Vomis tout. Tout. Tout. Tout. Tout. Vomis. Vomis tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. Vomis tout. Tout. Tout. Vomis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis. Vomis tout. Tout. Tout. Vomis. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. Je te commande. Je te commande tout vomi. Vomis tout. Tout te poison vomi. Vomis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. Je te commande de vomir tout ce que tu as mis en lui. Vomis. Tu le lâches. Vomis et tu le lâches. Au nom de Jésus. Je te commande, toi, forteresse. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, de le lâcher. Tu vas l'enlever. Ça va l'enlever qu'elle a réglé le problème de romantisme, n'est-ce pas? Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Toi, tu as le problème aussi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, je te commande de le lâcher. Tu as quel problème alors? Je te commande. Lâche-le. Lâche-le. Faut pas tester là. Vomis, c'est que tu as mis. Vomis. Vomis. Vomis tout. Tout, vomis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande. La forteresse de vomir. Le poison que tu as mis en lui. Vomis et tu lâches ton corps. Vomis et tu lâches ton corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, toi, forteresse. Je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche. Lâche. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Lâche-le. Lâche-le. Lâche. Lâche-le. Lâche-le. Je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de le lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Tu vomis. Vomis. Vomis. Vomis tout ce que tu as mis en lui. Vomis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vomis. C'est poison. Vomis. Toi, forteresse, je te commande. Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de vomir. Je te commande de vomir. Vomis. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, toi, forteresse, de le lâcher. Lâche-le. Lâche-le. Lâche-le. Je te commande.

au nom puissant de Jésus.